CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On partagera nos coups de cœur dans la chronique « Tu manges mon cœur ». On établira la liste des fêtes ridicules du mois de septembre dans son fou supermarès. Et Tania jasera de livres, de relations et de ponctualité dans Tania is gonna entertain ya. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 11 septembre 2017. On est à peine à 228 jours de la fin d'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, ça va? Ça va très bien. Oui, de retour le matin, oui, enfin. Exactement. Ça fait des semaines qu'on en parle, nous voulons enfin. Ça fait des semaines qu'on l'annonce. Oui. Là, non, c'est vrai. Là. On avait hâte de revenir au matin. Ben oui, tout on à fait. On va ensemble tous les jours, lundi au vendredi, de 7h à 10h. C'est notre nouvelle case horaire. Donc, on a abdiqué la portion 6h30 à 7h. Ouais. Oui. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. J'espère aussi. Les gens n'étaient pas levés à cette heure-là. Oui. Ben, il y a certaines personnes qui l'étaient. Oui. Mais... Bon, vous écouterez de la musique. C'est ça. C'est ça. T'as passé un bel été, Tania. Je sais que les gens qui nous écoutaient en après-midi cet été sont peut-être pas les mêmes que les gens qui nous écoutent le matin. Donc, ton été s'est passé comment? Ça a très bien été. Présentement, je suis grippée, comme vous pouvez l'entendre. Donc, ça s'est terminé par une belle petite grippe de fin de saison, j'imagine. Mais très occupée, quand même. Été très occupée. Grand Prix. Oui, Grand Prix électrique. Grand Prix électrique. Déménagement. Grand Prix Poirière, déménagement. C'est ça. Netflix. Radio. Oui. Oui, nouvel amour dans ma vie, Netflix. Ah! Ouh, chose que je n'avais jamais eue. Et il est gâté. Et maintenant, je ne peux m'en passer. Je pense que pas mal tout le monde connaît ça. Je pense que oui. Je pense que je suis vraiment une des seules dernières qui n'avait pas encore Netflix dans sa vie. Oui. Là, maintenant, c'est la plus belle relation que j'ai jamais eue. C'est la amour, seule. Amour-haine. Il y a des séries qui sont trop courtes aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ils sortent pas non plus les nouvelles saisons comme... très rapidement. Ça prend quelques temps, mais c'est pas grave, on les pardonne. Ouais. Ça donne du temps pour étudier. C'est ça, oui. Faut le dire, t'es retourné à l'école pendant qu'on s'est laissé pour l'été. T'étudies en quoi? En communication. Oh, cool! Oui, exactement. J'avais déjà étudié en radio puis en télévision, mais en tant que tel, le bac universitaire me manquait à un certain point, alors j'ai décidé de retourner aux études. T'as sauté les trois jours où t'as étudié en marketing aussi. Hein? C'est une journée et demie, ça, non? C'est ça. De mon côté, qu'est-ce que j'ai fait cet été? J'ai eu un autre emploi pendant quelques temps où je me levais très, très tôt. Je faisais de la mise en onde ailleurs. Exactement. Ça va super bien de ce côté-là. J'ai fait le baseball le soir ici. Et entre les deux, mes émissions. Donc, gros été, je pense, pour moi aussi. Oui, on a eu des gros étés, Mathieu. C'est comme ça. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bel été. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir écouté cet été si vous étiez là les jeudis après-midi. Maintenant, c'est plus nous autres, le jeudi après-midi. Non, bon, c'est ça. Parlons du nouveau format d'émission. On est quand même rendu à ce début de session avec un petit peu de retard. Si vous étiez avec nous la semaine passée, c'était des rediffusions toute la semaine avec nos émissions préférées de l'été, justement. Là, on est là du lundi au vendredi entre 7h et 10h. Du lundi au jeudi, on va être en direct comme toujours. Mm-hmm. En direct comme ça, 100% du temps. Pas de reprise, rien du tout. Et le vendredi, meilleur moment de la semaine. Je pense que c'est une formule assez classique. C'est notre formule semi-habituelle. Ben, c'est la formule qu'on aurait dû avoir, sauf qu'à un moment donné, on a décidé que ça commençait plus tard. En exact. Fait intéressant, Tania, tu sais peut-être pas, là, je sais que je t'ai mentionné quelques petits faits historiques dans l'émission, on était à 7h dans le temps. Oui. Oui, on a commencé au début entre 15h et 17h la première année. Oui. L'après-midi. L'année suivante, avec François-Olivier Marchand, on est arrivé de 7h à 9h. D'accord. Et l'année suivante... 7h30 à 9h30. C'était-tu l'année suivante? Bref, à un moment donné, c'est devenu 7h30. Mais bon, là, on est revenu à 7h. Oui. Ce qui est difficile, par contre, parce que l'autobus m'amène ici exactement à 7h-3. C'est ce que tu disais. C'est pas pratique. C'est un petit peu plus difficile. Mais t'es quand même arrivé à l'heure. Oui, pour aujourd'hui, c'est la première. Exact. C'est ça. Ben, tu vas arriver à l'heure dans les prochains jours. On va voir. Je vais te donner des petits trucs tantôt. Merci. On va voir ça. Excellent. Est-ce que tu peux contrôler les autobus dans ta chronique? Ça, malheureusement, je peux pas. C'est pas sûr. Donc, parlons justement de l'émission d'aujourd'hui, Tania. Plus tard, ta chronique s'en vient. Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Eh bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va parler un petit peu de livres. Je vais vous donner quelques idées de ce côté-là. On va aussi parler de relations, vous allez voir. Oh, ça devrait être intéressant. Et de ponctualité, Mathieu. Et... chose qui peut-être va t'interpeller. Mais non, c'est ça. Ah. Aussi, dans l'émission d'aujourd'hui, on va partager nos coups de cœur de la semaine dans Tu manges mon cœur. On va faire, après le crime, en fin d'émission, des gens qui sont reprochables, qui ont fait des choses reprochables. On va débuter dans quelques instants avec son foutu palmarès. On va établir, comme on le fait une fois de temps en temps, la liste des choses à célébrer pendant le mois de septembre. Et je pense qu'on devrait même se rattraper sur le mois d'août, juste pour le fun. C'est dans quelques instants. Mais avant ça, on commence l'émission. Vu que ça fait très longtemps qu'on est depuis le matin, je pense même que si on y réfléchit un petit peu, la dernière fois que j'ai été régulièrement le matin, à part les deux dernières semaines de la saison passée, c'était au mois de mars. Ça se peut. Tu te rappelles? J'ai passé mars-avril le bras cassé sur deux semaines. Une semaine peut-être. T'étais pas resté longtemps. C'est ça. Puis après ça, c'est l'été. Mais t'étais parti longtemps, ça, par exemple. Un mois et demi. Je te remercie encore. On n'est pas passé à autre chose encore. Non, pas encore. J'ai encore des choses à me faire pardonner. Bref, ça fait longtemps qu'on est parti, donc voici Days avec la version française de Long Gone. À Assemblage Requis, bonne émission. Sur C'est Fou 89 FM. Ouais. Qui te réveille, normalement c'est elle qui te sort du sommeil. Mais tes culottes, je peux plus voir, inventer des histoires pour te faire à croire. T'as rien de player, t'es simplement pathétique quand t'es dans mes. À son cœur un beau gosse sur un plateau d'argent. Génération Tinder, tu m'auras fait voir comme les loups ont de grandes dents. Ça se dit les meilleurs, mais vous êtes toutes pathétiques quand j'ai jamais. Avec le tal, car mon fessier en calvaire. Y'a pas perdu son élan. Y'avait une vente à dos. La balle était dans son camp. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. All Version française avec Days sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Est-ce que ça t'a réveillé? Ça m'a vraiment réveillé. Je dois dire qu'on a reçu Days un petit peu plus tôt cet été et c'était excellent en version acoustique. Mais toujours très intéressant de l'entendre de cette façon. Notre technicien voulait vraiment qu'on entende le thème. Exact. Bref, c'est ça, on est rendu, comme on disait tantôt, à 7h le matin. Il faut qu'on se réveille nous aussi. Oui. On n'est pas debout depuis 3h du matin comme d'autres animateurs du matin. Non, c'est on n'est pas de même. On commence tranquillement. Je me mouchais à cette heure-là. Ah oui, tu te mouchais. Wow! Moi, je pense que je me couchais proche. J'ai essayé de me coucher très tôt, là, à 11h, je suis dans mon lit. J'ai pas réussi à m'endormir avant proche de 2h15. T'as vraiment un problème avec ça, hein? Oui, mais il y a trop d'affaires dans ma tête quand l'émission, tu sais, je veux dire, je savais qu'il y avait ça non, qui s'en venait, moi, je pensais... Ben, c'est peut-être le fait que j'étais malade, mais 10h15, j'étais dans mon lit, 10h17, je dormais, là, c'est sûr. Tu m'as écrit à, je crois, 10h20. Ouais. J'ai jamais entendu mon téléphone sonner. Jamais. Et ça faisait pas si longtemps que j'étais couchée, là. Mm-hmm. On a un problème de ce côté-là, Mathieu. Toi, tu dors pas assez. Moi, je dors peut-être trop. C'est ça. Il me faut de la tisane, c'est ce qu'on me dit. Exact. Bref, on va venir à la suite parler de nous autres. Hein? Oui. Tu vas faire. Oui. On va y aller avec la première chronique de notre nouvelle formule matinale à 7h13. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et quand on le fait, des fois, ben, on commence toujours par la liste des choses à célébrer pendant le mois qui commence. Oui. Je sais qu'on est quand même déjà rendu à la mi-septembre. On a manqué quelques fêtes. Ben, le mi... Wow. Tiers. Quasiment. Tiers. Ça va, ça? Je préfère le tiers, merci. Ouais. Bon, c'est correct. Donc... le loyer arrive moins vite. C'est un bon point, ça. C'est un très bon point. Quoi qu'il y ait les maudits comptes, arrivent tout le temps au milieu du mois, tout le temps, genre plein de comptes je au milieu. Je sais. Bref. Je suis sûr qu'ils font par exprès en plus. Je pense que oui. Pour être sûr que t'as plus d'argent. C'est ça, faut se vider un petit peu. Parlant de se vider, c'est de l'envie que ça te donne après avoir regardé la photo. J'ai vu tantôt ta face sur la, sur la page du prochain article. C'est un TV dinner avec de la dinde, je pense, en tranches et des patates pilées. Mais les patates, elles ont plus l'air d'être liquides. Ouais, c'est dégueulasse. Que patate pilée. On en parlera tout à l'heure de ce TV dinner-là. Septembre, c'est le mois du retour à l'école, bien sûr, la fin de l'été, même si on ne veut pas en entendre parler. On a manqué le 3 septembre, la journée nationale du gratte-ciel. Ouh, d'accord. Ouais. Après la fin du travail, on peut rendre hommage aux travailleurs de la construction et aux ingénieurs qui ont construit les merveilles architecturales modernes. Il y a une compagnie européenne qui définit gratte-ciel comme un bâtiment d'au moins 330 pieds, alors qu'aux États-Unis, une bâtisse commence à se qualifier pour être un gratte-ciel à partir de 500 pieds. Ouais. Mais vraiment, n'importe quelle tour qu'on voit au-dessus de la ville, je pense que ça compte. Hein? On n'a pas vraiment de gratte-ciel ici à Trois-Rivières. Hein? Non, je pense pas. Il me semble que nos grands bâtiments très hauts sont pas si hauts, selon. Non, c'est ça. Ouais. Le 4 septembre, on a manqué la journée nationale de manger un dessert de plus. Oh, tristesse. Ah, quoique c'était la fête du travail, il y en a peut-être qui ont mangé plus que peut-être. D'habitude, ça arrive. Donc, les gloutons. Ça se peut. Mm-hmm. Ensuite, le 6 septembre, on a manqué la journée nationale de combattre la procrastination. Un jour, on faisait quoi le 6 septembre? Je sais pas. Oh, ben oui, Mathieu, on a battu la procrastination. On a animé le show de la rentrée de l'UQTR. T'as raison. Et pour ne pas procrastiner, on n'a pas procrastiné. Oh que non. Puis je pense que ça va laisser ses marques pour les prochaines semaines parce qu'on n'a plus de voix pendant tout le temps. Exactement. Merci beaucoup, show de la rentrée. Merci. Merci, les Cowboys fringants. 8 septembre, ensuite, la journée nationale des grands-parents. Oh, d'accord. Le fondateur, fondatrice, j'imagine, Marianne McQuaid, voulait mettre de côté une journée spéciale. Non seulement pour les personnes âgées, mais pour encourager leurs petits-enfants de demander des conseils de la sagesse de leurs grands-parents. Le président américain Jimmy Carter aimait beaucoup cette initiative-là. Il a fait du premier dimanche après la fête du travail une fête nationale aux États-Unis pour rendre hommage aux grands-mères et aux grands-pères autour du pays. Et encore aujourd'hui, le président continue de participer. Barack Obama avait fait une proclamation officielle en 2011. Je me suis pas tenu au courant de ce que Trump fait parce qu'on sait tout ce qu'il fait, sauf les affaires qu'il devrait faire. Hein? Ouais. Ouais, hein? 10 septembre, c'était la journée du TV dinner. Cet excellent repas qu'on met dans le four, micro-ondes ou dans le four. Bref, le TV dinner a été introduit pour la première fois aux États-Unis par C.A. Swanson & Sons. Tu connais sûrement les repas Swanson. Oui. Dans les années donc 1950, c'était un repas congelé, pré-emballé, qui vous donnait un souper au complet. Hein? C'était fait pour être facile à consommer lorsqu'on était devant une télévision. Donc vous pouvez toujours vous présenter encore aujourd'hui dans les supermarchés et vous acheter n'importe quel TV dinner. Et sachez que les TV dinner vont dans le fourneau, hein, même avec une pellicule plastique. Ah ouais, je savais pas. Je te jure, ça m'a pris par surprise. Ça fond pas? Avec une pellicule plastique qui est faite pour aller au four. Certains modèles, il faut faire attention puis regarder sur l'emballage. Aussi, ce qui m'a impressionné, Tana, tu vas vraiment être surpris, je pense. Okay. Tu sais, les contenants d'aluminium, là, ouais. Il y en a qui vont au four micro-ondes. Ah, ben voyons. Ils ont sûrement un revêtement particulier, mais j'ai vu un repas récemment qui était marqué « conçu pour le micro-ondes ». Wow, ça explose plus. Ben, en tout cas, faites attention. Peut-être que nos micro-ondes sont rendus plus cheap, donc ça fait en sorte que ça fait moins d'étincelles. Faudrait se renseigner, je sais pas, mais c'est impressionnant pour moi. Ensuite, là, dans celle qu'on n'a pas encore manquée nécessairement, le 15 septembre, la journée nationale du chapeau en feutrine, en laine, comment on appelle ça, du felt, c'est comme de la feutrine, c'est comme du petit tissu. Ouais, du feutre. Ouais, du feutre, c'est ça, du feutre. Donc, on a carte blanche pour porter ce chapeau-là qui ressemble un petit peu à celui de Robin des Bois. Mm-hmm. Hein? Et évidemment, vu que c'est une fête, ça vous empêche de se moquer des gens. Oui. Qui portent ça. 16 septembre, la journée, restez le plus loin possible de Seattle. C'est en fait une fête qui est très pro-Seattle, c'est bizarre. Hein? On dit que c'est une des meilleures villes où vivre aux États-Unis. C'était désigné donc pour donner un petit peu plus de place, un petit peu plus de lousse aux gens là-bas. Donc, pour que les gens ne touchent pas à Seattle, mais que les gens qui habitent à Seattle puissent profiter plus de leur ville. Donc, si tu considères un voyage à Seattle, faut pas y aller le 16 septembre. Ah, d'accord. Eh ben... le 18 septembre, c'est la journée nationale des friandises Rice Krispies. Là, c'est les petits carrés Rice Krispies. Oui. Toute une journée juste pour ça. Okay. Écoute, hein? On peut pas tout avoir. Hey, t'as vu qu'ils vendent maintenant, en tout cas, je sais pas si c'est disponible ici, là, mais des petits cubes, des minuscules petits cubes de carrés Rice Krispies, genre c'est juste des bouchées. Ah non. Tu sais, t'en avais des cubes comme bout de collation, là. Des prises. Ouais, je me souviens de ça. Mais là, plouf, juste une bouchée. Ah. Eh ben. C'est pour être plus rapide dans la dégustation. T'as besoin de manger ça vite. Ça colle autant ses doigts. T'sais, oui, ben c'est sûr que ça pogne les dents aussi, ça parle. Mais c'est délicieux. Ensuite, la journée du 19 septembre est consacrée, ben, vous le savez sûrement, Facebook fait ça à l'année longue, c'est la journée parler comme un pirate. International Talk Like a Pirate Day le 19 septembre, basé en fait sur l'anniversaire de l'ex-femme de quelqu'un. On dit que la sélection de la date était probablement au hasard, mais ça a apparemment un rapport avec ça. Et puis le site officiel vous dit comment parler le pirate en plusieurs langues, dont l'anglais, l'allemand, le hollandais et même un petit peu de mandarin pour vraiment donner une expérience internationale. Faut que tu roules tes R. Roule tes R. Le 21 septembre, c'est la journée mondiale de la gratitude, donc la reconnaissance. Alors, en 1977, les gens de la United Nations Meditation Group, le groupe, ont établi de cette journée-là pour apprécier l'existence, donc le fait d'exister. Hein? Mm-hmm. On reconnaît qu'on existe, on est reconnaissant de ça. C'est cool. Le 21 septembre, c'est l'Oktoberfest. Et en fait, l'Oktoberfest, c'est le festival qui dure 16 jours de la bière, de la musique, des saucisses. Tout ça commence à la fin du mois de septembre. Et cette année, ça commence en fait le 21 septembre. Historiquement, la célébration annuelle avait lieu à Munich. L'Oktoberfest existe dans plusieurs villes, dont Trois-Rivières. Ça a commencé comme une célébration de mariage royal. Et depuis ce temps-là, ben, évidemment, c'est la bière qui a pris le dessus. On doit adhérer à des règles allemandes sur la pureté de la bière pour être considéré comme un Oktoberfest officiel. La globalisation nous permet donc de goûter à plein de styles de bière qui seraient disponibles dans l'Oktoberfest seulement. Maintenant, on peut les avoir en supermarché. Donc, c'est quand même cool de goûter à des bières de partout dans le monde. 24 septembre, la journée nationale de la ponctuation. Ah? Pas la ponctualité. Non, non. La ponctuation. Oui. Donc, célébration de la virgule, du point d'interrogation, des points bien utilisés. Les points-virgules, on aime vraiment ça, les points-virgules. Hein? Donc, la journée nationale de la ponctuation vous donne l'opportunité de bien habiller vos phrases avec plein de contexte et de symboles où vous pouvez vous rappeler des règles d'utilisation de ces symboles-là. Oui, exactement. C'est surtout ça qu'il faut. Hein? Et en français, surtout, où est-ce qu'on doit mettre un espace insécable entre les caractères? Exactement. Ça, je la comprendrai jamais. J'ai essayé l'autre jour. Je voulais bien faire la règle des heures. Savais-tu que c'est 7 espaces insécables H et non pas... Il y en a qui va marquer 7H 2.00 PM AM. Non, je ne savais pas. Oui, c'est 7 espaces insécables H. Okay. Un espace insécable, c'est un espace qui ne va pas aller à la ligne suivante quand tu vas redimensionner ton texte. J'ai essayé de le faire pour les posts sur Facebook. Facebook n'accepte pas les espaces insécables. Ah ouais? Fait que... fuck la reine. J'ai enlevé mes espaces. Hein? Bon. Hey, si tu veux pas que je m'en serve, je m'en servirai pas. Peut pas te faire. Inacceptable, Facebook. Mais Facebook, hein? À la base, c'est anglophone. Oui, tout à fait. Fait que peut-être qu'il y a certaines règles de français qu'ils comprennent pas. Ça se peut, mais il y a le service en français. Il y a même le service en pirate, comme on l'a dit tantôt. Oui, Est-ce que je peux faire les espaces insécurables en pirate? Peut-être. On continue toujours dans la liste des fêtes ridicules à célébrer au mois de septembre. On y va très léger en ce début d'émission. Donc, 27 septembre, c'est la journée où on câline un végétarien. Ah! On a besoin de trouvez-vous un végétarien? C'est d'en trouver un. Je pense que de ces temps-ci, il est pas mal facile à trouver. Oui, c'est ça. Rentrer dans la chasse-galerie puis demander. Demander quelque chose de vegan. Dans la chasse-galerie ou à la cafétéria, tout dépendant de où vous voulez manger. C'est vrai, il y a des repas végétariens. Et ce que j'ai trouvé bizarre, j'avais l'opportunité la semaine passée de manger un repas à cafétéria. Le repas végétarien et le repas pas végétarien, c'est deux affaires que je trouve absolument dégueulasses. Oui, mais là... poisson, de la morue, je pense, puis un tofu ou je sais pas quoi. Cafétéria. Eh boy. Bref, la PETA, la People for the Ethical Treatment of Animals, a installé des endroits où on peut câliner des végétariens aux États-Unis et au Canada. C'est gentil. Hein? Ah, c'est très gentil. Le 28 septembre, c'est la journée buvez de la bière. Ben oui, évidemment. Besoin d'une raison pour ça. Hein? À Chasse-Galerie, là, c'est 5 soirs semaine, je pense. C'est ça. 4 soirs. Le 28 septembre, on termine le mois de septembre là-dessus, c'est la journée des musées. Ah? Vraiment bien. Je trouve que ça termine le mois d'une drôle de façon. Ouais, ben après les autres journées qu'on vient de vivre. Oui. Donc, c'est une journée où on a des fois l'admission gratuite dans des musées à certains endroits dans le monde. Donc voilà pour le mois de septembre. Ensuite, ben, tant qu'à être dans la liste des fêtes à célébrer, retournons au mois d'août. Est-ce qu'on a manqué? Hein? On a le droit, une fois de temps en temps, de se rappeler des bons souvenirs du mois d'août, là, alors qu'il faisait relativement chaud par moment, des fois. Oui. Une journée sur... trois. Sur trois, quatre, hein. 1er août, la journée nationale des copines. Ah? Des blondes, des copines, girlfriends. OK. Voilà, donc c'est une fête qui n'a à voir qu'avec les filles, qui rend honneur, donc, à vos amis de filles, girlfriends. Et puis... c'est ça. En fait, ça n'a pas... Pas les blondes. On dit que ça n'a pas rapport avec les blondes. C'est plus les copines, les amis. OK. Oui. Le 5 août, la journée internationale de la bière. On vient encore juste... Encore une fois? T'sais, il faut en trouver une fois par mois, je pense. C'est quelque chose de crucial dans la vie des gens? Crucial. Donc, en 2007, un groupe d'amis a décidé de dédier internationalement cette journée pour se rassembler avec ses amis et savourer la bière délicieuse, célébrer les hommes et les femmes qui fabriquent notre bière et puis rassembler les gens en dessous de la grande bannière... de la bière. Voilà. Le 5 août, journée nationale des sous-vêtements aux États-Unis. Je sais pas si ça a un lien avec la fête de la bière. On se met tout nu parce qu'on est sous, je sais pas. Mais on célèbre ça aucune le 5 idée, août. Hein? Ouais. Le 6 août, la journée nationale de la bonne haleine. OK. Nice. Je sais pas. Ah. Ça pourrait être une journée pour faire une intervention à ceux qui ont une mauvaise haleine. Peut-être. Mais c'est assez délicat faire ça. Mais hein. Comment tu veux faire ça? Juste... Hey, voudrais-tu... une petite gomme. Une petite menthe, ça te tente pas? Une brosse à dents, pantana, ça te tente-tu? Hey, quand tu donnes ça en cadeau à quelqu'un, une brosse à dents. Là. Ça, je pense que c'est signe de quelque chose. Même si c'est une brosse à dents vraiment de luxe là, à 250$. Là. À moins que ce soit tes parents. Là. Ouais. Ah, ça, ouais. Laisse-toi parents, pas t'acheter une brosse à dents par quelqu'un. C'est permissible. ensuite, le 8 août, la journée nationale du dollar. Donc, c'était en 1786 aux États-Unis. Le Congrès américain, Congrès continental, pardon, a établi un système monétaire pour les États-Unis. Donc, on dit que c'est ça. On peut rendre hommage à la naissance de l'argent papier américain avec des achats de bière, peut-être encore. Oui, ben oui. Si on veut se trouver une autre raison. Le 9 août, la journée des amoureux du livre. OK. Chaque journée est bonne pour lire dans la vie, mais il y a une journée dédiée pour ça. Donc, on rend hommage aux livres qu'on aime. Voilà. Et on donne ça en cadeau, peut-être. Ben oui. Ensuite, le 10 août, la journée paresseuse. Oh, d'accord. Ouais. Donc, une belle journée pour, prendre ce relax. Le 11 août était la journée de la blague présidentielle. C'était en 1984 pendant un soundcheck, une vérification des niveaux sonores du micro pour une diffusion radio. Ronald Reagan a fait la blague suivante. Et là, je vais essayer de la traduire. Là. Je ne sais même pas si elle se traduit. Je ne l'ai pas lu à l'avance. Mes chers concitoyens américains, je suis très heureux de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai signé une législation qui va empêcher la Russie d'exister pour toujours. Oh, on commence à envoyer des bombes dans 5 minutes. Un sens d'humour un petit peu sombre. Ouais, quand même. Ouais, donc cette petite gaffe-là a marqué les gens et le 11 août est devenu la journée de la blague présidentielle. 13 août, c'était la journée internationale des gauchers. Oui! Oh, t'es gauchère! Ok, oui! C'est vrai! Donc, évidemment, journée où on se magasine des ciseaux de gaucher, je sais pas trop quoi. Ensuite... on dit qu'au Royaume-Uni, le 13 août, il y a le club des gauchers, le Left-Handers Club, qui commandite des endroits, des zones pour membres seulement, nommées des zones pour les gauchers. Ah, OK. Le 18 août, la journée nationale de la mauvaise poésie. On écrit de la poésie qui est boiteuse. 19 août, la journée nationale de l'aviation. Franklin Delano Roosevelt, ancien président américain, donc a déclaré que... a déclaré l'anniversaire de Orville Wright comme le jour national de l'aviation. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de rendre hommage à Orville et non pas à Wilbur, qui est son frère, en 1939? C'est un mystère pour les historiens. Mais on dit quand même que c'est une bonne raison de célébrer l'aviation, même si on célèbre juste un des frères. Frère Wright. Il aimait pas l'autre, qu'est-ce qu'il... Il y a une histoire derrière ça, j'aimerais savoir. Le 21 août, c'était la journée nationale des personnes âgées. OK. Ouais, donc une fête, comme cela, 19 août 1988, on a fait une proclamation de la part de Ronald Reagan, le président à l'époque, qui disait que le 21 août était une journée nationale de fête pour donner aux citoyens âgés américains un salut. Salut! Salut! 22 août, la journée nationale de la fée des dents. Faire de l'argent un petit peu là, sur le dos de ta bouche. Exactement. Ou sur le dos de tes parents. Et voilà. Oh non, j'ai rien dit. Non. Hey, il y a des enfants, écoute. La fée des dents, elle existe. C'est ça, avec le Père Noël puis le lapin de Pâques. Hey, le Père Noël, il existe, OK. Le 24 août, la journée nationale. Tantôt, on a câliné des végétariens, des vegans. Oui. Là, c'était le 24 août, la journée nationale où on câline son patron. Ah, chose que je n'ai pas fait, je suis désolée. Pas encore. Même au show de la rentrée. C'est ça, on n'a pas une proximité comme ça, là. On n'est pas si proche que ça. Non, c'est ça. Donc, ça vient du Royaume-Uni, en fait, le principe, mais ça s'applique un petit peu partout dans le monde. Pendant une journée dans l'année, on met nos frustrations de côté et on montre à notre patron un petit peu d'appréciation en le câlinant, en le serrant. Voilà. Bien sûr, il faut suivre les codes des ressources humaines. Oui, c'est ça. Fait du pas mal. À mon autre emploi là, que j'ai eu cet été, il y a un bureau spécifique aux ressources humaines pour rencontrer les gens si jamais il y a des plaintes de ressources humaines. Ah, oh, mon Dieu. C'est comme le petit gars dans l'annonce qui est assis puis qui attend que les plaintes arrivent. Ah, j'ai pas vu. Une compagnie d'assurance, t'as si je me souviens bien. J'avais la télévision il y a quelques mois. Le bon vieux temps. C'est ça. Et le 31 août, on finit notre voyage dans le passé. Là, je sais qu'on est vraiment en retard sur le mois d'août, mais ça arrive. C'était la journée nationale du Trail Mix. Oh! Wow! Tu sais, les raisins arachides de M&M, peut-être? La barre du randonneur. Ah, c'est bon. Voilà pour la liste des fêtes à célébrer au mois de septembre et au mois d'août. On a reculé un petit peu et on est bien content. On a fait le tour de la fin de l'été. On ira la prochaine fois rencontrer le mois d'octobre. Mm-hmm. Lui dire un petit peu bonjour. Un petit bonjour. Dans quelques instants, Tania. Oui. Ça va être tout à l'heure ta chronique Tania is gonna entertain you. Mm-hmm. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce du palmarès anglophone. Parlons un petit peu en même temps, le soi-disant temps passant, comme on dit. Oui. Que les palmarès se changent de format eux aussi. Il n'y a pas juste nous qui non, changent d'horaire. Vrai. Les palmarès C'est fou vont être présentés les jours de semaine, Tania. Exactement. Du lundi au jeudi. De midi à 13h. Ouais. Donc, ça va être fait sur 4 jours. Mm-hmm. Et vous allez en avoir pour votre argent. Oh! Oh oui. C'est génial. Lundi au jeudi de 11h, de midi à... 1h. 13h. Midi à 13h. C'est ce que j'ai dit. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. On est exploité, je pense, en ce moment. On fait beaucoup plus d'heures qu'avant. Je pense qu'on fait, si on regarde l'assemblage requis, on fait 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19. On fait beaucoup d'heures. 20 pour toi, 21. Ouais, c'est beaucoup d'heures. Ouais, exactement. D'heures. On se sent exploité, donc voici Darren Evil et Exploited. C'est un choix de notre part. Hein? On a accepté ben oui, ça. Exact. On est là pour. Ça, c'est fou. 89 FM. In a cage. street. Or just in an emergency, be treated like meat. Heaven help you if your child needs pills. Without insurance coverage, you'll be eating those pills. Ah oui, on l'a dit, nous on se lève plus tôt qu'avant maintenant, fait qu'on a besoin de se réveiller à 7h34. Exactement. C'est comme ça. Et moi, je suis bien content de pouvoir enfin faire une émission de radio où on ne joue pas Despacito. Oh, Mathieu! C'est une blague. On peut trouver la version italienne, si tu veux. Ah, non, merci. On prend une pause au retour, Tania, c'est gonna entertain. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours assemblage requis pour la semaine. Pour la journée du lundi 11 septembre 2017. Il faut se remettre dans le bain, Mathieu. Oui. C'est Daniel Baudin. Oui, exactement. Et Mathieu Plante. C'est ça. T'sais, on est sur un beat. Hein. Des fois, on est rendu habitué à dire pour la semaine du 11 septembre, du ben quelque chose ça comme ça. Ça fait déjà quelques semaines qu'on le dit. Mettons, l'été comprend quand même genre une 15-20aine de semaines. Oui, quand même. C'est un long été assez fou. On a quand même du mois de mai au mois d'août au complet. Mm-hmm. Pas d'émission quotidienne. Fait que le beat va rembarquer. Et la Chasse Galerie ouvre habituellement vers les 7h30. Oui. Il m'a dit qu'on peut y aller un petit peu avant 7h30, mais il va falloir qu'on commence l'émission sans café ou qu'on s'amène notre propre café. Ben, comme j'ai fait. C'est difficile. J'ai pas encore de café dans le corps. Non, c'est vrai. Et pourtant, t'as l'air plus réveillé que moi. Je sais pas si c'est tout simplement à cause du ton de voix. C'est le rhume, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Tania, en plus, a insisté à réenregistrer la promo d'Assemblage Rocky pour redire les heures, les nouvelles heures, mais que sa voix de... Oui, mais je l'ai fait avant. Ah, tu l'as fait avant. Okay. Oui. J'ai pas entendu encore. Pas aujourd'hui. Ouais. Tu sais, pour dire que c'était ton tour, Tania. Oui. On se renvoie la balle comme on aime le faire. C'est notre technique qui est préférée. Exactement. Donc voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain me. She's gonna entertain me. Tania! Oui! Allô, t'as plein de sujets pour nous, Colin! Oui. On est choyés! Exactement! Ce matin, j'ai décidé de faire. Mais vous allez voir, de toute façon, dans l'émission, on est juste nous deux ce matin. Oui, ben c'est ça, on commence tranquillement. On n'a pas de chroniqueur ce matin, alors on s'est décidé un peu de se lancer la balle comme ça. Alors j'ai quelques sujets différents pour vous, mais je me suis dit que j'allais commencer votre journée du lundi en vous garochant plein d'informations sur la littérature. Ah. pas nécessairement plein d'informations, ne vous inquiétez pas. Mais c'est surtout, si tu avais l'occasion de parler avec ton jeune toi, Mathieu, j'imagine qu'aujourd'hui, à l'âge que t'es rendu, il y a des choses que tu lui dirais, comme par exemple, « Oh, t'aurais dû lire ça ou ça ou ça dans ta vie. Ouais. » Parce que selon les événements que t'as réussi à vivre et auxquels t'as réussi à passer au travers la plupart du temps, bien souvent, il y a quelque chose qui nous accompagne et c'est la littérature dans notre vie. Donc, j'ai pour vous une liste de livres qui est considérablement très bonne à lire avant nos 25 ans. Si vous avez déjà passé 25 ans, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous allez pouvoir les lire et vous dire « Ah, j'aurais donc dû le lire avant mes 25 ans. » Tania, elle avait tellement d'objectifs avant ses 25 ans qu'elle n'a pas réussi à accomplir et là, elle va penser à ça jusqu'à ses 30 ans, je pense. Exactement. Mais c'est parce qu'en fait, durant notre vingtaine, on est parfois maladroit. On a aussi parfois nos premières expériences dans plusieurs sujets X. Et on se dit que parfois, la littérature, c'est quelque chose qui peut nous accompagner dans tout ce genre de changements-là dans nos vies. Alors, bien évidemment, il y a des livres qui font réfléchir un petit peu justement sur les différentes situations qui peuvent nous arriver dans la vingtaine, que ce soit, par exemple, je sais pas moi, un deuil, nos perspectives du futur ou encore notre réalité, tout simplement. Bien, parfois, il y a des bons livres qui nous aident à passer au travers de ces moments-là ou qui nous disent qu'on n'est pas fou de penser comme on pense. Alors, parfois, on lit des livres ou on va relire des livres et on va avoir une façon de voir les choses qui va être complètement différente. Donc, de pouvoir, si jamais vous avez déjà passé 25 ans et peut-être vous avez déjà lu certains de ces livres-là, bien peut-être vous allez vous dire « Hey, je voyais pas ça comme ça dans le temps quand j'ai lu la première fois ce livre-là. Maintenant que je le relis, maintenant que j'ai du vécu, bien je vois les choses un petit peu différemment. » Si l'on dit 25 ans, c'est arbitraire un petit peu. Exact. C'est à l'âge adulte où on devient mature. Exactement. La différence entre avoir 16 ans, lire un livre qui est obligatoire au secondaire ou encore au cégep, puis par la suite de faire le choix de lire un livre pour soi-même parce qu'on veut justement en sortir un petit peu plus grandi, bien il y a justement plusieurs livres qui s'offrent à vous. Donc le premier, c'est L'alchimiste de Paulo Coelho. C'est un court roman avec un jeune héros qui s'appelle Santiago et il part sur une aventure pour trouver un trésor. Donc jusqu'à ce moment-là, il n'y a rien de si exceptionnel avec une histoire d'un gars qui part à la découverte d'un trésor. On se dit, c'est quasiment Dora l'exploratrice. Mais c'est, évidemment, c'est une légende personnelle avec le chemin qu'il va faire, les étapes qu'il va devoir traverser. Donc, le message est simple, c'est d'essayer de comprendre les signes de l'univers qui nous entoure. Et ça, on se dit souvent qu'après avoir eu 25 ans, mais si on relit le livre, probablement qu'on va avoir une perspective qui va être différente, justement, que si on avait lu le livre avant nos 25 ans. Si vous n'avez pas lu le livre et que vous avez dépassé 25 ans, bien, je vous conseille quand même de le lire parce que peut-être que vous êtes rendu à une étape dans votre vie où justement les signes de l'univers tentent de vous envoyer des messages puis vous les comprenez mal. Bien, vous pouvez le lire et peut-être que justement quelque chose d'aussi simple que de partir à l'aventure pour trouver un trésor dans une histoire, dans un roman comme celui-là, peut vous amener à vous-même vous poser des questions par rapport à vous et vous allez probablement trouver justement quelques réponses à l'aide de cette littérature-là. Donc, l'univers essaye de vous parler, mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de l'écouter? C'est un petit peu le message qu'on peut retrouver dans un livre qui semble être banal, qui semble être extrêmement simple, mais c'est souvent ça l'essence même de retrouver ses propres sources et de se poser les questions. C'est d'y aller avec la simplicité et c'est rarement ce qu'on fait, honnêtement. On aime se compliquer les choses, tellement, je pense, en tant qu'être humain. Donc, parfois, un livre aussi simple que celui-là peut nous aider à se dire peut-être que je vois les choses beaucoup trop compliquées et je devrais les voir un petit peu plus simples. Casse pas ta tête. C'est ça. Le deuxième livre, eh bien, c'est Le prophète de Khalil Gibran. C'est de la poésie, en fait, mais pour l'âme. C'est un livre qui a été publié en 1923. Ça n'a jamais cessé d'être imprimé depuis sa sortie. On parle d'un livre qui a été traduit aussi dans plus de 40 langues et c'est un vrai chef-d'œuvre pour plusieurs. Donc, évidemment, si on se dit c'est un chef-d'œuvre, bien souvent, les gens qui vont être beaucoup plus âgés vont nous dire « Hey, j'espère que tu as lu ça, ce livre-là. C'est un chef-d'œuvre. » œuvre, ça traverse les années, ça traverse le temps. Bien, c'est un petit peu l'exemple même, parce que si on regarde un livre de 1923 qui a été traduit dans 40 langues, je pense que ça apporte beaucoup à certaines personnes. Et si on se dit qu'il doit être lu avant nos 25 ans, c'est parce qu'on parle de mariage, on parle d'amour et d'amitié. Donc, ce sont tous des sujets qu'on essaie de décortiquer avec un langage qui est quand même assez sublime, qui est simple, mais qui fesse. Mmh. Et la plupart du temps, lorsqu'on a, on a dans la jeune vingtaine, c'est un petit peu ce que ça nous prend parfois pour comprendre des messages. Que ça fesse, que ça fasse un petit peu mal. Et c'est le genre de livre, justement, qui va être vrai, qui peut s'avérer parfois à certains moments, à certains passages, quasi cru, mais là, je mets vraiment là, des guillemets parce qu'on y va pas dans des mots vulgaires, mais on y va avec la vérité pure et simple. Ça passe pas par ketchup. Exactement. Et ce qu'on nous promet avec ce livre-là, c'est qu'on n'oubliera jamais nos moments qui sont passés avec, justement, ce livre entre les mains. On apte à en faire, justement, un livre de chevet pour tous. Donc, si on est rendu à un âge où, je sais pas moi, vous êtes marié à 25 ans, et là, vous vous posez des grandes questions de la vie, vous avez plus nécessairement les mêmes amis qu'on avait dans le début vingtaine, mais pour ceux qui ont justement déjà passé la vingtaine et le 25, venez vous faire relire ce livre-là et voir vous-même où vous en êtes par rapport à ce que vous pensiez en être rendu à votre âge. Le troisième livre que je veux vous présenter, c'est La dernière leçon de Mitch Albom. Moi, j'ai lu ce livre-là dans le cadre d'un livre au cégep. En anglais, ça s'appelle Tuesdays with Maury. C'est une histoire vraie. Et en fait, c'est un livre assez bouleversant. Si vous avez la larme à l'œil assez facile lorsque vous lisez, faites attention avec ce livre-là parce que c'est chose possible. Mais en fait, on vous pose la question, comment est-ce que vous vivriez votre vie si vous saviez que vous alliez mourir? Parce qu'en fait, le livre Tuesdays with Maurice, c'est un petit peu ce qui se passe. On parle de Maury Schwartz, qui est un professeur universitaire qui est atteint d'une maladie mortelle. Et chaque mardi jusqu'à sa mort, il va s'asseoir pour contempler l'éternelle question de la vie avec un de ses élèves préférés qui est Mitch Albom, qui est l'auteur du roman. Donc, cette histoire-là, c'est vraiment une vraie histoire. Elle n'a pas été romantisée. Le livre, par la suite, a été mis en film, sachez-le. Ça a été un petit peu plus romantisé, mais pour visionner des entrevues avec Maury Schwartz, c'est possible. Vous pouvez retrouver des entrevues qui ont été faites avant sa mort sur Internet. C'est un livre qui est exceptionnel parce que justement, on aborde le deuil, on apporte aussi la question de « je sais que ça s'en vient, donc comment est-ce que je dois me préparer à tout ça? » Et le vice-versa, quand c'est pas nécessairement notre vie, c'est pas nécessairement nous qui allons mourir, mais on accompagne quelqu'un qu'on sait qu'il va mourir, comment est-ce qu'on doit gérer avec ça? Donc, honnêtement, La dernière leçon, moi, c'est mon coup de cœur. Ça a été mon coup de cœur de vie, honnêtement, en termes de livres. Je l'ai recommandé à plusieurs de mes amis. Je l'ai déjà prêté à des gens avec qui je travaillais et ils ont adoré. C'est un livre que si jamais vous cliquez avec cette histoire-là, vous allez le dévorer en quelques jours seulement. Et je vous dirais que c'est un livre auquel vous pouvez toujours vous référer aussi. Parce que peu importe quelle va être l'étape dans laquelle vous allez arriver à un moment dans votre vie, bien, il y a une leçon, justement, dans le livre qui va arriver à trouver vos propres questions. Et je vous dirais que c'est plus qu'un livre de chevet. C'est vraiment un livre que vous allez tout le temps garder avec vous pour être quasi comme un dictionnaire. Parfois, là, on dit « Ah, j'aimerais ça chercher le mot, la définition » ou ce que je devrais faire à ce moment-ci. Bien, La dernière leçon de Mitch Albom, c'est un petit peu ça. C'est le livre que vous pouvez toujours avoir en votre possession pour avoir peut-être pas nécessairement une porte de sortie, mais une réflexion à une situation quelconque, parce qu'on passe par vraiment toutes les étapes d'une vie avant d'arriver au deuil. Donc, on voit les deux côtés. On voit la famille, on voit la personne même et on voit la personne qui l'accompagne. Ouais. Donc, on a la vision des trois et c'est quelque chose d'exceptionnel comme livre. Je vous le conseille fortement. C'est comme la Bible, en plus ou en moins, c'est comme la Bible. C'est pareil, écoute, pareil. C'est juste il se fait pas pendre à la fin. Bon, allez, il se fait pas accrocher, là, excusez. Bon. Nice. L'autre livre, c'est 1984 de George Orwell. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le livre 1984, ben sachez qu'il y a déjà plusieurs films qui sont sortis aussi, qui en ont été adaptés. Mais dans le temps, on disait « Big Brother vous regarde ». Eh bien, George Orwell, ça dépeint justement cette terrifiante cette situation-là du monde totalitaire où la liberté d'expression n'existe plus et où toutes les pensées sont minutieusement surveillées par on ne sait qui. Donc, c'est un livre qui a été écrit en 1984, si je me souviens bien. Ça a été écrit la même année que le livre est sorti, mais c'est tellement d'actualité aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est électronique. Donc, il y a plusieurs individus qui le décrivent comme étant prophétique. Il y a une critique aussi sur le rôle que prend le gouvernement face à la population dans ce livre-là. Si vous êtes ceux qui ont étudié un petit peu du côté de la littérature, c'est sûr qu'on a déjà fait référence à ce livre-là. C'est pas juste de le lire, en fait. Exactement. Je pense que tout le monde a déjà, à un certain moment, probablement lu un passage du livre sans nécessairement avoir lu le livre au complet. Que ce soit celui-là ou Animal Farm. Même auteur? Même auteur, si je me souviens bien, de George Orwell. Donc, c'est vraiment un classique. Et pourquoi on dit, est-ce qu'on doit le lire avant nos 25 ans? C'est que ça nous ouvre des portes sur, justement, notre réalité d'aujourd'hui. Donc, si vous avez, par exemple, 18 ans, vous avez un petit peu plus de difficulté à comprendre ce qui se passe ou ce qui se passait avant, considérant le fait que vous êtes pas mal directement dans la génération du « on vous regarde et vous faites tout pour... » Et vous voulez être regardé. Et vous voulez être... regardez, bien, prenez le temps de lire, honnêtement, 1984 de George Orwell. Ça va vous ouvrir une porte sur ce que pourrait être autre chose. Et parfois, après avoir lu ce livre-là, on se détache un petit peu de tout ce qui est réseaux sociaux de façon existentielle. T'arrêtes de tout mettre là-dessus. Bien, c'est ça. Tu cherches à savoir qu'est-ce qui est vraiment important à se rendre aux yeux du public. Et en parlant du public, je veux bien dire pas mal tout le monde sur vos réseaux sociaux. Donc, de ce côté-là, le livre de George Orwell, c'est aussi un coup de cœur pour moi. Je pense que c'est un coup de cœur pour tous ceux qui l'ont lu à un certain moment dans leur vie. Mais il faut absolument avoir lu ce livre-là pour justement comprendre comment on voyait les choses aussi avant. Parce que c'est quelque chose de se dire qu'il a rendu en 2017, on le sait comment ça marche, on est directement dedans, on baigne tous les jours sur les réseaux sociaux. Mais rappelez-vous que ce livre-là a été écrit bien avant que Facebook n'arrive. Et justement, si je peux me permettre, 1949. Oui. C'était l'année de publication de 1984. OK, c'est ça. Donc, en 1949... C'était futuriste à l'époque. C'est ça, exactement. C'est ça. Il me semblait aussi que c'était pas nécessairement la même année, mais on voyait justement comment les choses allaient se rendre. En fait, ce livre-là, on dit que c'est une prophétie parce que c'est exactement arrivé comme ça. Il y a beaucoup de gens que ça les a apeurés. Il y a des gens qui sont devenus un petit peu fous sur les bords après avoir lu ce livre-là parce que justement, on s'est dit, ben c'est beaucoup trop vrai. C'est pas vrai que ça ait été écrit en 1940. Il se passe de quoi de ce côté-là? George Orwell était un gars avec des pouvoirs ou peu importe. Donc, ça en a fait capoter quelques-uns, mais pour ceux qui sont aujourd'hui, là, qui baignent dans les réseaux sociaux, qui n'ont jamais vraiment connu autre chose que les réseaux sociaux, tu sais, quand vous aviez 10 ans, là, puis vous n'alliez pas jouer dehors parce que vous aviez une tablette, bien, prenez le temps, prenez le temps de lire 1984 de George Orwell. C'est exceptionnel. Et on vous aime bien pareil. Oui, et si vous êtes capable de lire l'anglais, selon moi, lisez-le en anglais. En tout cas, je préfère la littérature anglaise à la littérature francophone. Je devrais peut-être pas dire ça en nombre, mais c'est excellent. Là. C'est un livre incroyable. Tout à fait. Un autre livre qu'on devrait avoir lu avant d'avoir 25 ans, c'est L'étranger d'Albert Camus. Là, on parle vraiment de grande littérature, mais c'est la première phrase du roman qui est devenue une des plus populaires dans la littérature française, qui est aujourd'hui « Maman est morte ». Donc, Albert Camus nous a offert Meursault, qui est un personnage qui est assez mystérieux, qui vit une solitude perpétuelle. Et le message dans ce livre-là, en fait, c'est que l'étranger sur la Terre est aussi étranger envers lui-même. Et souvent, avant d'avoir 25 ans, on va se sentir un petit peu comme ça. Parfois, à certains moments, on va se sentir étranger de tout le monde, on va se sentir étranger des gens autour de nous, dans notre propre famille, mais on va aussi avoir de la difficulté à se relier à nous-mêmes. C'est un petit peu la phase du « on se trouve où, à quel moment dans notre vie, je suis qui, moi? » Cette fameuse grande question, c'est ça. C'est la période où on se cherche. Et L'étranger d'Albert Camus, bien, c'est un livre qui peut très bien vous accompagner dans cette quête de savoir qui vous êtes. Et si de lire Albert Camus, ça vous apporte, je sais pas moi, une une plaisance incroyable à la littérature, bien peut-être aurez-vous trouvé que vous êtes passionné de littérature, tout simplement. Donc une bonne porte d'entrée. C'est ça, une bonne porte d'entrée à la littérature, à de la vraie littérature, parce qu'on s'entend que Albert Camus, c'est ça, c'est pas la courte échelle. Oui, il y avait toujours de bons livres là-dedans, c'est pas Anne aux pignons verts non plus, c'est vraiment plus poussé que ça, vous allez avoir de grandes réflexions dans ce livre, mais avant nos 25 ans, c'est toujours bon de savoir où on pourrait peut-être s'aligner pour le restant de notre vie. Et si on veut le lire après nos 25 ans, bien posez-vous la question, est-ce que je suis celui que je voulais être? Ah, cette fameuse question qui te remet en question tout le temps. Tout le temps, chaque seconde de ma vie. Un autre qui est un classique, et là je pense qu'on doit même le lire avant d'avoir 25 ans, avant d'avoir 20 ans, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. La phrase clé de ce livre-là, c'est « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton », mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est comme ça que commence un des livres les plus humains, les plus touchants. C'est écrit dans un langage qui est simple, qui est très épuré aussi, et l'auteur nous donne en cadeau un peu de la poésie, un peu de philosophie aussi, sous l'apparence d'un conte pour enfants. Pour certains, vous allez vous dire « Le Petit Prince, j'ai lu ça quand j'avais 5 ans. » OK, je vous mets au défi de le relire maintenant que vous en avez 25. Peut-être que vous avez lu la version juste dessin une phrase, aussi, dessin une phrase. Hein? C'est pas la lisez même chose. Lisez le vrai livre, ouais. Vous allez voir. Tout à l'heure, on parlait de quête de qui nous sommes. C'est un petit peu le même genre de livre qui va nous amener à poser ces fameuses questions-là. Où on veut se rendre dans notre cheminement personnel? De qui est-ce qu'on s'entoure aussi dans notre entourage? Donc, ce sont tous des sujets qui vont baigner dans un livre qui, à la base, si vous étiez jeune, que vous aviez eu des parents qui vous ont offert Le Petit Prince ou que vous avez dû lire Le Petit Prince à l'école primaire, ces questions-là sont pas vraiment très importantes à l'âge de 8 ans. Vous jouez, vous lisez, c'est correct. On n'assimile pas nécessairement le message comme on l'assimile lorsqu'on a 18, 22, 25. Alors, pour ceux qui ont jamais lu Le Petit Prince, bien, je vous invite à le relire et à le lire, tout simplement. Ouais. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, bien, relisez-le une fois adulte, parce que probablement que lorsque vous l'avez lu, vous étiez aux alentours de 10, 12 ans et le message était vraiment pas le même. Vous avez vraiment vu le petit gars qui voulait que quelqu'un lui dessine un mouton. On l'a dit, c'est peint sur un conte pour enfants, donc le message est englobé d'une espèce de poésie enfantine, mais maintenant qu'on est adulte, les messages subliminaux vont beaucoup plus ressortir de l'histoire. Et c'est peut-être comme ça aussi que vous allez trouver des réponses à vos fameuses questions de vie. Ouais. J'allais dire que c'est du contenu canadien, parce que l'auteur est canadien, mais il a écrit ce livre-là à New York. Je sais pas si ça reste du contenu canadien. Je sais pas, peut-être. Hein? Faudrait se poser la question. Et le dernier livre, eh bien, c'est Voyage au bout de la solitude. En anglais, ça s'appelle Into the Wild de John Cracker. Pour ceux et celles qui rêvent, en fait, de disparaître dans la nature, c'est un petit peu le livre qui pourrait vous amener à ça. C'est un roman biographique sur la vie de Christopher McCandless, oui, qui a été publié en 1996. Donc, on parle de John Cracker. Or, je vais essayer de vous le... Ouais, c'est pas Krakauer, quelque chose de exactement, genre. Exactement, c'est K-R-A-K-A-U-E-R. Ouais. Donc, c'est le nom de famille du gars qu'on va suivre dans l'histoire. Et on retrace justement l'histoire d'un jeune homme qui est âgé de 22 ans, qui a décidé de troquer la civilisation pour un retour à la vie sauvage. Certaines personnes sont des amateurs de la grande nature, d'autres se disent « je devrais peut-être partir dans un trip tout seul, m'en aller dans le bois, pas de téléphone, pas de carte, pas de boussole, non c'est pas vrai, pas à ce point-là, là, perdez-vous pas. » Mais chaque année, il y a des centaines de personnes qui se rendent en Alaska pour justement faire un hike jusqu'à sa caravane où il a survécu 112 jours en Alaska sauvage. Vous allez voir, tout à l'heure, on parlait d'être cru dans ce qu'on dit. Mais là, c'est pas cru dans ce qu'on dit, c'est cru dans l'histoire. T'es tout seul. C'est un récit où, justement, il va y avoir des passages qui vont être difficiles, mais vous allez pouvoir vivre à travers son propre voyage. Peut-être un voyage de vie que vous avez vécu sans être dans le bois. Et si jamais ça peut vous aider à vous sortir du bois, peut-être est-ce que c'est une noirceur qui s'en va pas de votre vie. Mais peut-être allez-vous voir une petite lumière avec ce cher livre. Oh. Voilà. Sept livres, sept? Exactement. Et je veux terminer ma petite chronique en vous parlant, en fait, du blog littéraire Le Fil Rouge. Pour ceux qui le connaissent, j'ai déjà discuté, en fait, du blog littéraire Le Fil Rouge. On a déjà parlé du fait qu'ils ont des coffrets mensuels, si jamais ça vous intéresse, pour recevoir un livre selon les éditrices qui ont décidé du choix du livre que vous allez recevoir par mois. Mais il y a un nouvel abonnement qui est sorti cette semaine. Pour certains, lire un livre par mois, c'est pas assez ou c'est trop rapide. Donc, maintenant, vous pouvez avoir des coffrets mensuels tous les deux ou trois mois aussi. Donc, vous avez trois choix. Ça s'appelle « Les amoureux des livres », ça, c'est à chaque mois. « La lectrice ou le lecteur du dimanche », c'est deux mois. Et vous avez « La lectrice ou le lecteur d'occasion », ça va être le coffret de trois mois. Vous allez vous retrouver, sachez-le, avec le même livre que celui qui va être mensuel, mais ça se peut très bien que si vous le faites aux trois mois, bien, on va sauter, en fait, deux mois. Donc, vous allez tout simplement pas avoir les deux derniers mois. Vous allez vous retrouver avec celui qui est le même que votre mois. Mais c'est votre choix, à savoir quand est-ce que vous voulez lire, à quelle mensualité vous le voulez, tout simplement. Est-ce que je le veux au mois, aux deux mois ou aux trois mois? Voilà. C'est une bonne idée, ça. Oui, j'ai recompté mes enfants, t'as raison. C'est 1984 qui m'a confondu. Parce qu'il est court. Donc, on rappelle les sept livres. Je veux vérifier si j'ai bien pris mes notes, OK? Oui. L'alchimiste de Paulo Coelho. Oui. Le prophète de Khalil Gibran. Oui. La dernière leçon de Mitch Albom. Oui. 1984 de George Orwell. Oui. L'étranger d'Albert Camus. Oui. Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est bien ça. Et Voyage au bout de la solitude de John Krakauer. Exactement. Waouh, c'est des notes, ça. J'ai pris ça, là. C'est sept livres. Pour certains, ça va peut-être se lire et écouter en un mois. Pour d'autres, ça va peut-être se lire en un an. Surtout si vous êtes à l'université, vous avez des lectures obligatoires. Mm-hmm. Mais je vous conseille, en fait, de prendre quelques temps pour lire un de ces livres-là dans cette fameuse liste de livres qu'on devrait avoir lus avant nos 25 ans, parce que c'est vrai que certains de ces livres-là vont vous accompagner tout au long de votre vie. Ça va pas rester une béquille, je veux pas dire une béquille, mais ça va vraiment rester comme une bible pour vous-même de vous référer à ces bouquins-là. Fantastique! Merci, Tania! Ça fait plaisir! Sept livres, ça en fait ça! Oui! Wow. Allez dans une foire de livres, puis ils vont tout être là, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Les sept. Donc, on prend une pause. On revient après ça. Qu'est-ce qui nous reste dans la deuxième heure de l'émission? On va faire « Tu manges mon cœur ». Et je crois que Tania va revenir nous parler aussi. Oh, je crois que oui. On a plein de bonnes choses pour vous pour les deux prochaines heures. <C'est là. rire> Aujourd'hui. C'est fou, 89. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. En ce lundi 11 septembre 2017, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, là, c'est la vraie deuxième heure. Hein? Depuis les dernières années, quand on commençait à 6h30 en meilleur moment, puis à 7h30 live, on disait jamais deuxième heure parce que non, c'était trop vrai. Mêlant, tu sais, genre. Mm-hmm. Là, c'est vraiment la deuxième heure et il y en a trois en tout, ce qui est une heure de plus que d'habitude. C'est vrai. Oui. On a du contenu pendant 3 heures. Oui. On va s'habituer. Un 3 heures plein. On va s'habituer. Les chroniqueurs vont embarquer. Ça va super bien aller. On a aussi, sur l'heure du midi, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, l'émission Les Palmeras assez fous qui va être en format quotidien, entre midi et 13h. Et justement, il y a une nouvelle entrée qui adonne très bien. Ce matin, je sortais de chez moi à 10 degrés Celsius, genre. Oui. Et je trouvais, waouh, il y a rien comme le froid hein, pour commencer la journée. Donc voici Catherine Leduc. Et rien comme le froid. L'assemblage requis. Glace près de fort. Catherine Leduc et Rien comme le froid à Assemblage requis. Une chance qu'on a des gens qui sont très chaleureux et très, très... tu sais, qui sont comme des petits chats qui viennent nous, nous réchauffer, là, comme David Ferron qui nous a plugué sur Facebook. Merci. Merci beaucoup. Merci de nous écouter aussi. Merci à tout le monde en fait d'écouter. À partir d'aujourd'hui, on va être là tous les jours, lundi au vendredi, entre 7h et 10h. Le vendredi des meilleurs moments, mais c'est pas grave. On va le dire pas fort comme ça. Le vendredi, on sera pas live. Mais il va y avoir une nouvelle introduction. Ça va être comme une nouvelle émission, parce qu'on va être là quand même au début. On s'en reparle. Maintenant, toujours à Assemblage requis à 8h08. C'est Tu manges mon cœur. Cœur qui est tout le temps en appétit de découvrir plus de choses. Et ça finit par coûter cher, comme les paroles de la chanson disent, hein, pour ceux qui comprennent pas pourquoi ça s'appelle Tu manges mon cœur, ouais, avec ces paroles. Donc c'est les coups de cœur des co-animateurs d'Assemblage requis. Ça fait quelques temps qu'on a pas fait Tu manges mon cœur. En fait, je me rappelle, et j'en ai déjà parlé, mais je me rappelle spécifiquement de la dernière fois qu'on a fait Tu manges mon cœur. En tout cas, il me semble, c'était à ta première semaine. Je pense que oui. Il y a 2 ans. Exact. Donc ça fait vraiment longtemps, mais on n'a jamais le temps. C'est une chronique qui est un petit peu secondaire. C'est une chronique qui est là pour remplacer quand quelqu'un n'est pas là. On a toujours d'autres contenus sous la main, mais là, on se force un peu. On va essayer de tenir cette tradition-là, oui, pour l'année scolaire. On dit tout le temps ces affaires-là, mais bon, on va essayer pour vrai. Donc, les coups de cœur des co-animateurs et Tania, je t'offre la décision, un petit peu comme dans un match d'impro ou de sport, de commencer ou terminer. Je vais terminer, Mathieu. D'accord. Bon choix. Tu viens de faire une chronique, t'as le droit de te reposer un peu. OK, merci. Et de m'écouter, j'aime ça, tu vois. La fille, là, elle sait comment ça fonctionne. Donc moi, aujourd'hui, Tania, je te parle de pas mal la chose qui a rempli mon été quand j'étais pas en train de travailler. Tu sais, quand tu veux te vider la tête. Ouais. Après avoir travaillé. J'ai vraiment peur de ce que tu qu'est-ce que tu veux dire. Ça pourrait être n'importe quoi, surtout quand j'ai dit de me vider. Exactement. Je vais y aller avec Netflix. Non. Non. C'est un jeu. Ah! Je te présente un jeu qui est sur iOS. J'imagine sur Android. Je ne vais pas regarder parce que je veux dire... Oui. Android. Il y a aussi sur le web. En fait, sur Facebook, depuis que je joue à ce jeu-là, Facebook me propose de continuer de jouer tout le temps. Ah, ben oui, c'est sûr. Sur Facebook. C'est le même jeu. Donc, ton compte est attaché, ton compte Facebook, au jeu qui s'appelle Simon's Cat Crunch Time. Est-ce que tu connais Simon's Cat? Non. C'est la chaîne YouTube d'un dessinateur qui fait lui-même ses dessins, évidemment, en noir et blanc de ce chat-là, de ce petit chat qui est le chat de Simon. Hein? OK. Et c'est lui aussi qui fait les bruits des chats. Donc peut-être qu'avez-vous croisé sur YouTube ou sur Facebook une vidéo à un moment donné de Simon's Cat. C'est très, très caractéristique comme façon de dessiner ça. C'est un petit chat qui est tout en train de demander à manger et puis de faire du trouble à son propriétaire. C'est pas mal. J'ai pas vraiment besoin de vous en raconter plus que ça, autre que vous recommander fortement à la chaîne YouTube. Allez voir des classiques comme Bedhead ou Copycat pour commencer. Et vous allez, je pense, si vous aimez les chats, vous allez triper sur le style d'humour de cette chaîne-là. Mais bref, après plusieurs années d'existence, ils ont fait un jeu qui s'appelle Simon's Cat Crunch Time, qui est sorti dans le milieu de l'été, si je me rappelle bien. Ça devait être au mois de juin, je suis pas trop sûr, mais c'est pas grave. C'est pas important du tout, la date de sortie quand même. Mm-hmm. Et depuis ce temps-là, j'ai joué comme surtout en revenant de longues journées de travail. Des fois, j'avais besoin de m'endormir comme faut, donc pour me déconnecter un petit peu de la vie, je jouais à ça. C'est un petit jeu simple de match, comme on est habitué de voir, sauf que contrairement à des jeux comme Candy Crush, où tu dois échanger des bonbons pour faire une rangée. Tu connais un petit peu le principe de Candy Crush? Oui. Donc, tu essaies de faire un match de 3, 4, 5 ou plus, et c'est en virant des bonbons de côté. Ici, à la place, tout ce que tu as à faire, c'est suivre les friandises pour chat. Donc, si tu as sur ton tableau une grille avec des bonbons verts, des bonbons rouges, peu importe, tu dois tracer une ligne, que ce soit horizontale, verticale ou en diagonale, entre les friandises pour nourrir les chats. Donc, les chats, mettons, en haut de l'écran, vont te demander, moi, je veux 30 friandises rouges. Mais il faut que tu réussisses à matcher en faisant une ligne, pas nécessairement les 30 d'un coup sec, là, mais tu peux y aller un par un. Si tout fonctionne en ce moment, je crois que cet ordinateur-là, vous le savez, est extrêmement lent depuis des années, mais on devrait avoir... Ah, voilà. C'est beau. Si un jour ça charge... Ah, c'est trop long, c'est trop plat. Bref. Je pense qu'on l'a. C'est tellement bon comme petite musique. Là, il y a deux musiques qui jouent une par-dessus l'autre, puis c'est ça qui est plate un petit peu. Ah, voilà. Je vais partir un niveau juste pour le fun. Si ça veut bien jouer. T'as le choix de booster, donc tu peux avoir des boosters, évidemment, comme dans tous les jeux, où tu peux éclairer une ligne à la fois, verticale ou horizontale. Bon, mettons, là, je sais pas, j'ai besoin de nourrir 6 chats. Je suis rendu dans une quête quotidienne, parce qu'en tant que tel, il y a plusieurs centaines de tableaux. Je suis rendu au 176, là. C'est quand même... J'ai de la misère à le battre, celui-là, quand même. Donc, disons que je vais tirer, tu sais, sur des bonbons verts, OK? Donc, je vais faire ça. Tu vois, le chat, il fait miaou. Ouais. Et là... Il va manger ses bonbons. Et là, plus t'avances, plus il y a des twists qui s'ajoutent, plus bon, il faut que tu te débarrasses de petites taupes dans ton jeu, des trucs comme ça. Ah, c'est vraiment trop agressant comme, son en arrière. Je suis désolé pour la qualité de l'ordinateur. Donc, plus t'avances, plus il y a des petites twists comme ça qui se rajoutent. Des twists qui, des fois, sont un petit peu trop difficiles pour moi. Comme, disons, tu dois éliminer un boss en tirant comme plusieurs centaines de friandises, mais t'as pas le droit de prendre les vertes ou les rouges. Ouais. C'est des twists comme ça. Ou genre, il faut que tu t'élimines des affaires en touchant à côté des taupes. Mettons, les taupes sont à côté de tes friandises. Si tu pognes les friandises à côté de la taupe, ça élimine la taupe. Ouais. Tu comprends? Donc, tu dois faire ça pendant beaucoup trop longtemps. Des fois, ça devient difficile. En plus, tu as des quêtes quotidiennes que tu peux faire à chaque 24 heures. Et ça, j'en ai manqué une couple depuis les dernières semaines, malheureusement. Un petit peu trop occupé, mais c'est pas grave. Il y a aussi des quêtes particulières à une journée ou une semaine où tu dois, mettons, battre 10 tableaux en dedans d'un certain temps, ou encore même des fois, ça peut être 5 ou 6 tableaux en une seule vie. OK. Tu peux, évidemment, il y a des trucs à débloquer. Là, tu peux t'acheter des scènes pour débarrer plus d'affaires. Là. Je l'ai fait juste une fois, je ne referai plus ça. Là. Pour vrai, ça vaut pas la peine de payer pour ça. Tu peux avoir aussi, si tu payes 14$ du VIP pendant 30 jours, tu vas recevoir des friandises tout le temps. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Et maintenant, ils ont ajouté l'option que j'aime beaucoup de pouvoir, à chaque début de tableau, pour une scène seulement, t'acheter un bonus que tu sais pas ça va être quoi. Okay. Ça va t'aider à éclairer le tableau. Ah, c'est le fun. Donc ça, c'est le fun pour avancer un petit peu plus. Tu ramasses, plus tu fais de tableaux, plus tu ramasses d'argent, plus tu ramasses d'argent, plus tu peux dépenser pour aller dans d'autres tableaux. Des fois, il y a des portes avec des clés que tu peux pas ouvrir si t'as pas battu 3 fois 3 quêtes différentes pour ce tableau-là. Bref. Donc c'est un jeu de match, mais un jeu de match avec des chats qui font des beaux petits miaulements de fun. Oh. Et Simon's Cat, j'ai toujours adoré ça. Les personnages sont fantastiques. C'est super bien dessiné. C'est en couleur. Vraiment bien fait. C'est gratuit, évidemment, pour jouer la plupart du temps. Vous allez peut-être remarquer que quand vous manquez de vie, il faut que vous payiez pour avoir plus de vie. Ben oui, c'est attendez, il y a un chronomètre qui apparaît, vous pouvez attendre un certain temps. Pour... Oh boy. Mais ça arrive seulement une fois que tu as vraiment beaucoup joué. Donc, okay. Ben, là où tu es rendu accro, là, dans mon cas. Justement, j'étais tellement accro à Simon's Cat Crunch Time, qui est le nom du jeu, que je me suis trouvé une alternative pour quand le jeu me bloquait dans le, dans le temps parce que j'avais trop joué ou j'avais trop mouru. Il y a un jeu par la... En tout cas, c'est pas la même compagnie, à ce que je comprends, mais c'est pas le même logo quand j'ouvre le jeu. Ça s'appelle Cookie Cats. Okay. Mais c'est littéralement, et là je dis, je pèse le mot littéralement, la même chose. Ooh. Dans le sens que c'est les mêmes bonbons dans le même ordre, les mêmes boss à battre, les taupes sont remplacées par des rats. C'est la même affaire. D'après moi, c'est comme Simon's Cat Crunch Time doit être un skin de Cookie Cats. Peut-être. Genre modifié. Donc pour vrai, si vous avez, si vous êtes rendu accro à Cookie, à Crunch Time, allez jouer à Cookie Cats. C'est juste un petit peu plus gossant parce qu'il y a des chats qui chantent dedans. Oh mon dieu. Ça, c'est pas vraiment le fun. Non. Mais bref. C'est agressant. C'est un petit peu agressant. Pas autant qu'un ordinateur qui lag. Ouais. Quand tu vas sur Facebook, mettons. Mais c'est un peu le même genre. Donc, Cookie Cats et Simon's Cat Crunch Time. Commencez par Crunch Time. Allez voir. Commencez par Simon's Cat sur YouTube. OK. Pour vrai, il y a comme, je sais pas si c'est une 70aine de capsules. Ça se regarde tout seul. C'est des 1 minute, 1 minute 15. Ça se regarde bien. C'est drôle du début à la fin. Vous allez pointer vous-même vers votre propre bouche quand vous allez voir Simon's Cat pointer sa bouche pour dire à son propriétaire de le nourrir. Il fait tout le temps genre, il pointe sa bouche. Ça, c'est drôle. Un jour, là, tu vas voir... C'est comme un Tamagotchi? Non, c'est comme un personnage là, de dessin animé. Hein. OK. Non, t'as pas, non. Non. Non, vraiment pas, là. Je suis pas le genre, là. Mais bref, vous allez adorer ça. Et si tu me vois un jour arriver avec, un t-shirt de Simon's Cat ou une tasse de Simon's Cat, c'est parce que c'est Simon's Cat. C'est parce que t'as vraiment beaucoup aimé. C'est parce que j'aime beaucoup Simon's Cat. OK. Voilà. Crunch Time est le nom du jeu. C'est tout de mon côté pour les deux jeux qui ont diverti mon été. À ton tour, Tania. Eh bien, je vais vous parler de quelque chose si vous êtes un amateur de vin. Oh, probablement que ça va faire chavirer votre cœur, surtout si vous êtes un collectionneur de bouteilles de vin de collection privée, par exemple. En fait, c'est une application mobile qui a été développée au Québec et du moins à Québec qui permet aux propriétaires de celliers de privés de proposer leur vin sur le marché de la revente et de gérer leur réserve de vin, de connaître le meilleur moment pour consommer leur bouteille de vin. Et tout ça a été créé par Guy Doucet et l'application s'appelle Alfred, l'expert en vin. Donc, c'est un genre de sommelier virtuel. Guy Doucet, il aurait dû appeler sur l'application Guidou. C'est le Guidou du vin. Ouais, mais non? J'imagine qu'il l'a pas fait comme ça. Non? Oh mon Dieu! Ça a été créé environ... ça a été créé très longtemps, mais ça a été mis en marché il y a environ 6 mois. On parle de 10 ans de travail pour arriver à cette fameuse application-là. C'est un homme d'affaires qui a commercialisé l'application, justement. Et le concept du marché du vin consiste à prendre les bouteilles qui sont gardées par certains et à les revendre à ceux qui sont plus impatients. Donc, en général, ce sont, par exemple, des baby boomers qui vont revendre leurs bouteilles à des gens qui sont... beaucoup plus jeunes, donc la génération X ou Y. Et la génération Y, aujourd'hui, on ne veut plus attendre, par exemple, 15 ans comme l'ont fait nos parents pour avoir une bonne bouteille de vin qui a eu une maturité, qui en est venue à son summum. Donc, on veut avoir cette bouteille-là pour la déguster, pour en avoir le plus grand plaisir. C'est sûr qu'il y a des collectionneurs qui ne mettront absolument pas leur bouteille là-dessus, mais ceux que ça les intéresse. Donc, c'est comme une espèce de Airbnb du vin. Ouais. Sauf que Airbnb, tu récupères ton appartement. Oui, c'est ça. Le vin est parti. Mais tu peux l'échanger, par exemple. Ah. Donc, tu peux arriver avec l'application, arriver à faire un échange entre collectionneurs et voir justement à quel moment va être le meilleur moment pour consommer la nouvelle bouteille de vin ou encore les bouteilles que vous avez dans votre cellier. À quel moment est-ce que ces bouteilles-là vont être le mieux pour consommer entre amis, autour d'un feu, autour d'un repas, peu importe. Donc, il y a eu un partenariat qui a été fait avec la Société des alcools de 2011 à 2015 et ça l'a grandement aidé à réaliser ce fameux projet de Airbnb du vin. Donc en fait, ils ont bénéficié d'investissements qui provenaient de la SAQ. C'est sûr que si vos bouteilles ne viennent pas nécessairement de la SAQ, peut-être que ça peut être un petit peu plus difficile à trouver dans l'application, mais l'entreprise présentement connaît une grande croissance depuis quelques mois. On télécharge l'application là, comme ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que la SEQ les a abandonnés en 2015? C'est ça que j'aimerais savoir. Ce serait le fun qu'ils reviennent avec un partenariat avec eux. Probablement. J'imagine qu'on a scanné en fait des bouteilles de 2011 à 2015. Okay. Probablement que ça va revenir. Donc, il y a eu un événement à Québec qui s'appelait Bordeaux Fête le Vin. C'est un festival du vin pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça vient tout juste de se terminer. Et on a justement permis de recruter plus de nouveaux membres, 1000 nouveaux membres qui se sont abonnés à cette fameuse application-là. Donc, vous allez voir qu'il y a dans l'application, il y a le goût du vin selon l'âge. Vous allez vraiment voir, il y a des courbes, c'est très bien développé. Et dans une ancienne vie, bien, le fondateur, qui est Guy Doucet, faisait la gestion de durée de vie du système d'aqueduc et d'égout. Et c'est là qu'il a réalisé qu'il y a les modèles mathématiques qui sont utilisés dans ce domaine-là qui pouvaient aussi s'appliquer à la gestion d'une cave à vin. Et on pouvait prévoir le vieillissement de notre vin de la même façon qu'on réussissait, en fait, à prévoir un petit peu le système d'aqueduc et le système d'égout. Donc, c'est le même style de formule qui a été utilisé dans l'application. Et ce sont des modèles mathématiques qui ont permis, justement, de développer une courbe de durée de vie du vin. Et pour tout ça, bien, l'équipe a constitué majoritairement là, d'ingénieurs, de programmeurs, d'informaticiens qui, eux, ont utilisé les données climatiques de certaines régions. C'est sûr que si votre vin est espagnol, bien, et que qui est importé ici, bien, ça ne sera plus la même condition climatique que si vous étiez, par exemple, resté en Espagne. Ça va être beaucoup moins chaud si vous l'amenez au Québec. Donc, tout ce genre de considérations-là a été pris en compte pour l'application. Et le résultat de ces savants calcul, bien, justement, permet de définir une période qui va être optimale à la dégustation. Et il y a une entente aussi avec un chef cuisinier qui a été fait, qui est en discussion, en fait, et on va être... ils vont être les premiers à pouvoir générer le premier accord vin, mais intelligent. Donc, sur l'application, on va pouvoir voir cet accord 20 et mai-là, surtout avec l'optimisation de quand notre vin va être bon, qu'est-ce qui pourrait être encore meilleur à déguster de façon gourmande avec ce vin. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux gens de pouvoir cuisiner une recette qui va leur plaire sur le site du chef en question qui va être signé dans quelques jours, quelques mois. Et Alfred, l'application suggère une bouteille à boire parmi celles que vous possédez dans votre cellier, dans votre cave, ou celle peut-être de quelqu'un d'autre. Et là, vous allez peut-être pouvoir vous l'échanger entre collectionneurs. Donc, c'est sûr que ça s'adresse pas mal plus aux gens qui sont des mordus du vin, qui ont une cave à vin qui est extrêmement intéressante. C'est sûr que si vous arrivez là avec votre Nicolas Laloux, je suis pas certaine c'est que... C'est très bon! Oui, mais je suis certaine que les collectionneurs vont vouloir ce genre de vin-là. Donc, c'est sûr qu'on parle de quelque chose d'un petit peu plus luxueux, mais c'est une application qui va pouvoir être développée encore. Ça a pris 10 ans, donc j'imagine que dans 10 ans, on va pouvoir avoir aussi d'autres alternatives à cette fameuse application-là. Je trouve ça vraiment cool. Si j'étais une grande collectionneuse de vin, probablement que je téléchargerais l'application. Si t'étais une grande amatrice de vin, t'aimes pas le vin? Et collectionneuse. Ah, collectionneuse, ok, ok. Ouais. Oui. On dit collectionneuse ou collectionneur? Quelqu'un qui collectionne. Ouais, c'est ça. Si j'étais quelqu'un qui collectionnait le vin, probablement que je téléchargerais l'application. Je prends la balle au bon. Vas-y. Je m'y mets un bat de baseball, mais je pense plus une raquette de tennis que je prends. Excellent. Pour parler d'alcool, moi aussi, je suis partagé un petit peu parce que j'aime beaucoup le vin déjà. Je préfère le vin à la bière facilement. Mais j'ai acheté à la fête des mères cette année du Porto. Oui. Et j'en ai racheté là pour la fête de ma sœur. T'abuses pas de ça, hein? Non, deux fois dans l'année, ça fait juste deux fois. OK. Sauf que j'ai acheté. Mais je parle, tu bois pas la bouteille de Porto au grand complet comme tu boirais comme tu boirais une bouteille de vin. C'est ça. Mais quand je suis arrivé là-bas, il y avait la bouteille que je cherchais. J'en ai acheté deux. Une pour pouvoir la boire et la partager avec les gens, et l'autre pour la donner en cadeau à ma sœur. Et je voulais vous en parler tant qu'à faire. Ça s'appelle Taylor Flatgate Late Bottled Vintage. C'est du Portugal. C'est une bouteille de 750 millilitres. Moi, j'ai acheté celui qui venait de 2012. À la fête des mars, c'était un 2011. Mais le 2012, en ce moment, coûte seulement, pour vrai, pour du Porto, seulement 22$. Oh, mon Dieu, c'est bien. C'est vraiment pas cher. Et il y a d'autres Taylor Flatgate, si vous voulez aller sur le site de la SAQ, bien sûr, pour vous renseigner sur les disponibilités. Mais tu peux avoir du plus vieux. Et là, ça commence à coûter cher. Si tu prends un 2003, ça coûte 142,75$. Ouh, d'accord. Si tu veux un 2000, c'est 130$. Il y en a un, même un autre, de 2000 de 1,5 litres, donc un plus grand format à 260$. Donc, allez-y avec le petit simple 2012 pour 22$ en ce moment. Je trouve qu'il vaut vraiment la peine. Ça s'est bu tout seul. 20% qui ne frappe pas. Contrairement à du vin, des fois, je trouve qu'il frappe un petit peu plus. Le Porto, on dirait que vu qu'on le boit plus lentement parce que c'est très sucré, va vraiment moins claquer. Et les gens à qui je l'ai fait essayer, c'est assez partagé. Il y en a qui trouvent ça trop sucré. Moi, je trouve que ça goûte juste le vin comme miraculeusement ensorcelé de magie. Oui, c'est ça. Je pense c'est pas mal ça. Qui goûte tellement bon. Tu sais, on dirait que le vin devient pâle et fade à côté d'un Porto. Mais oui, clairement, parce que le Porto a fermenté beaucoup plus longtemps. C'est vraiment bon. Bref, Taylor Flatgate. Oui, c'est ce à la SAQ. À la SAQ. À la SAQ. C'est de même, hein? C'est une tablette. Ah, oh, mais l'étiquette est vraiment plate, là. C'est super générique, une étiquette blanche. Demandez-le. Moi, quand j'ai demandé pour la fête des mères, c'était supposément pour une fondue au chocolat. Donc, on me l'avait suggéré pour ça. On a finalement pas mangé de fondue au chocolat, mais ça fonctionne très bien. Et pour vrai, je comprends l'idée de l'accord mai et vin. Oui. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Non, c'est ça. Tu peux aussi juste boire quand ça te tente tout seul. Clairement. Mais déjà, à la base, un Porto peut remplacer un dessert tellement c'est sucré à la base. Tout à fait. Mais le bon genre de sucré, pas le sucré gossant. Non, c'est vrai, le sucré qu'on aime bien. C'est ça, tu vois, on est vraiment des critiques de vin. C'est sucré, mais pas sucré gossant. C'est ça. c'est des professionnels, on parle de même. De très grands professionnels du vin et du Porto. Mais... Voilà, hey, c'est le fun, un petit « Tu manges mon cœur » comme ça, bien rempli. On fera ça une fois de temps en temps. On se donne pas de délai ou rien. Là, mais... Ben justement, si tu me relances la balle, Mathieu. Quand tu m'as proposé « Tu manges mon cœur », déjà en partant, j'ai vu le côté négatif du slogan là-dedans. Oui, ben il y a du négatif. Écoutez, l'intro, vous allez voir. Oui, c'est ça. Donc, je me suis lancée un petit peu dans le côté négatif aussi. Okay. Donc, je vous ai amené l'application merveilleuse du Airbnb du vin. Mais du côté négatif, tu te souviens très bien, j'imagine, du ghosting. Oui, ben oui. C'est maintenant le temps de parler de relations un petit peu dans Tu manges mon cœur. Parce qu'il y a une nouvelle façon de faire les choses, apparemment. Et j'ai lu ça sur Internet. Ça m'a un petit peu traumatisée, je vais vous avouer. Et là, je me suis dit, plus jamais je vais aller sur Tinder et plus jamais je vais faire de rencontres avec les gens. En fait, en train de swiper en ce moment même. C'est pas vrai. en fait, je vous parle du love bombing. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est, Mathieu, le love bombing? Ça a l'air violent un peu. Mais en fait, on peut traduire ça par le bombardement d'amour. En fait, c'est une immense démonstration d'amour ou d'affection dès le départ. Et ça se voit beaucoup maintenant avec les fameuses applications Tinder et tout ça. C'est, tu vas être bombardé là, de messages, de... Intense, qu'on appelle. Intense, de la même personne, ouais. On s'entend. Il va y avoir des attentions qui vont être faites. Vous allez, par exemple, aller à 2-3 dates. Vous allez commencer à vous fréquenter. Et là, ça lâchera plus. Là. La personne devient obsédée un petit peu. Ben, pas nécessairement obsédée. Toi, t'as l'impression que ça va bien. Là. C'est okay. Du love, là. Ah, t'aimes ça, t'sais, on de l'amour. Ben, c'est oui. Ça, exactement. On reçoit de l'attention, on reçoit de l'amour. C'est bénéfique dans un couple. Donc, tu te dis qu'on va probablement finir à être en couple. Et les démonstrations sont très appréciées, par exemple, pour une aventure amoureuse, ce genre de choses-là. Et on aime toujours ressentir les petits papillons là, dans le ventre. Donc, c'est très, très rare qu'on va voir le côté négatif des débuts du love bombing. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est qu'après un certain temps, la personne s'en va. Uh-oh. S'en va complètement de ta vie ou fait juste relaxer, moins communiquer? Ouais, non, c'est ça. Ah, c'est bye. Comme du ghosting, mais... Oui. C'est ça, c'est comme du ghosting, mais là, t'as moins d'attention. Ouais. Tu sais, on a parlé aussi de la fameuse formule, je pense que c'était Hansel et Gretel, là, qu'on allait te garder sur le côté pour semer un petit peu des miettes de pain, te dire allô une fois de temps en temps. Et le love bombing, c'est un petit peu ça. C'est le mélange du ghosting, c'est le mélange du Hansel et Gretel, et c'est le mélange du trip, de dire que tu donnes beaucoup, beaucoup d'attention à quelqu'un en premier dans une relation. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens qui vont faire ça sont très, très narcissiques, mais sans s'en rendre compte. Oh. Donc, faut faire attention, hein? Faites attention, parce que ça peut bien évidemment te mélanger dans cette fameuse relation. Ouais, parce que là, t'as habitué la personne à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Fait que la retirer après... Exactement. Ça paraît... Puis, ouais. Ces gens-là vont rarement accepter l'attention que tu vas leur donner. Mmh. Donc, ça peut être un indicatif du fait qu'il va beaucoup, beaucoup, il ou elle là, va beaucoup, beaucoup donner d'attention. À un certain moment, toi, tu vas essayer de donner le même style d'attention. Ça va fonctionner plus ou moins. Et là, du moment qu'il va avoir eu ou elle va avoir eu ce qu'ils ont besoin d'avoir en termes d'affection donnée, et on va tout simplement commencer à réduire de beaucoup, là, beaucoup la relation que vous avez déjà. C'est un petit peu ce qui se passe sur Tinder apparemment présentement. C'est le nouveau ghosting, en fait. On définit ça comme ça un petit peu. On aime ça trouver des termes pour plein d'affaires, là, mais c'est vraiment comme du ghosting avec une petite alternative, un petit twist de plus. Exactement. C'est parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que tu as l'impression d'être en couple extrêmement rapidement. Pour certains et pour certaines, bien, tu as l'impression que tu es en couple. Tu penses que tu es en couple et finalement, tu ne l'es pas pantoute. Donc, c'est l'impression de vivre le coup de foudre. Et quand tu es rendu super en amour avec cette personne-là qui te promet certaines choses aussi, on te promet d'être la personne, bien, la personne va changer totalement d'attitude. Elle va finir parfois par te ghoster, justement, c'est-à-dire disparaître du jour au lendemain sans explication. Et il y a des conséquences à tout ça, bien évidemment. C'est la tendance du dating. C'est la remise en question de soi-même, la recherche désespérée de réponse et même parfois la dépression. Donc, les pratiquants du love bombing, comme je le disais tout à l'heure, c'est des personnes qui vont être manipulatrices et narcissiques parfois. Donc, c'est souvent des personnalités qui sont séduisantes, sympathiques, qui ont un don pour le charme, mais ça sert en réalité de gens pour justement manipuler et se sentir un petit peu plus valorisé sans nécessairement vous valoriser beaucoup, là. Donc, la vérité, c'est que c'est comme ça que ça se passe maintenant. Je pense que j'ai à attendre, j'ai aller à l'épicerie puis je vais me tenir dans le coin des fruits et légumes. Des melons. C'est ça. Pas sûr que c'est bien mieux. Pour vrai, si les gens sont habitués au Tinder, même si tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, mais là, je pense ça que les ben c'est ça. Là, je pense que les gens ont un petit peu appris que Tinder, c'est pas nécessairement pour rencontrer la personne exceptionnelle, à moins que ça soit écrit dans le profil. Non, ben mais il faut toujours garder une certaine vulnérabilité sur ces applications de rencontre-là. Peu importe l'application de rencontre, je tiens à vous dire, là, Love Bombing, hein? C'est pas juste pour Tinder. Là. Ça peut être pour plusieurs autres applications. Donc, il faut faire attention. Il faut que la relation évolue de façon normale, donc de prendre les choses à la légère dès le départ, sans nécessairement avoir un trop-plein d'attention dès le départ. Eh bien, faut faire attention. Oui, exact. Le love bombing. Eh boy. C'est vraiment violent. Merci, Tania. Mais ça fait plaisir. On s'est renvoyé la balle comme 2-3 fois. Oui. On aime ça. Alors, on prend une pause. Au retour, qu'est-ce qu'on vous réserve? Ouh. C'est après le crime. Après le crime? On fait ça tout à l'heure. Restez là. Aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage Reiki pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Oh que oui. L'émission passe tellement vite que Tania était persuadée qu'elle avait présenté la demi-heure précédente. Mais oui. Mais non, c'était moi. Mais non, c'était toi. On est rendu avec 6 demi-heures. Oui. 3 heures en direct. C'est comme ça que ça se passe. On aime ça, être avec vous dans vos oreilles jusqu'à temps que vous soyez vraiment au bureau. Jusqu'à temps que vous soyez tannés de nous autres. C'est ça aussi. Et même quand vous allez être tannés de nous autres, on va être de retour le midi. Oui. Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis pour les palmarès, c'est fou, en semaine à midi. Avant de continuer avec après le crime, la chronique des gens qui font des choses reprochables. On s'écoute Timber qui porte des gants de velours et du crachat dans Velvet Gloves and Spit à Assemblage Reiki. Au 89 FM. I could not release the inspiration till you asked me to. Came at your body relentlessly throughout the year. Or too far away, too near the shore, this honeymoon. I was a stranger, too familiar and not enough. But I once saw the touch of your velvet hand upon my face. I recall velvet gloves and spit in your embrace. And I wanted nothing else. The haunted hotel room, the two-bit man child. I could not simply fall asleep next to you every night. Our castle in the sand, built too high too soon. And under waving palms and waving sails and waves. Goodbye. Well, I once saw the touch of your velvet hand upon my face. I recall velvet gloves and spit in your embrace. Oh, I once saw the touch of your velvet hand breathed upon my face. I recall velvet gloves and spinach, your embrace. And I wanted nothing else. Timber Timber et Velvet Gloves and Spit. Assemblage requis. Un peu bizarre comme titre, mais... C'est juste un petit peu. Ouais. Mais... Que voulez-vous? Hein? C'est comme ça. Ouais, ça, c'est bizarre, mais là, on va parler de gens encore plus bizarres que ça. On a des vraies faces de champions, là, dans la chronique après le crime. Après le crime, c'est la chronique des gens qui font des choses reprochables. Et avertissement, la chronique après le crime s'adresse à un public plus ou moins averti. Oui, tout à fait. Voilà. Faut le dire quand même, parce que c'est pas la chronique qui va être la plus amusante pour les enfants, non. D'après moi. Même que je m'étais dit que je la ferais passer 9h, cette chronique-là, puis là, il est 8h40. Oh, c'est pas si pire. On va essayer Ils de sont à l'école. Ils sont à l'école, probablement à cette heure-ci. Oui, t'as raison. Oui. T'as raison. On va parler entre autres d'enfants morts. Ça pourrait arriver dans cette chronique-là. Commençons par une adolescente et son demi-frère. Son demi-frère avec qui elle est en amour. OK. Ouais. Ils se sont photographiés. Elle a vraiment des beaux sourcils, hein? Oui, c'est ça. Quand je disais face de champion tantôt, là, c'est pas mal ce couple-là que j'avais en tête. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ces sourcils-là? Ils sont très coupés aux 90 degrés sur l'intérieur du nez. Ouais, okay. C'est ça, c'est comme elle les a vraiment très mal maquillés. Ouais, ils sont vraiment coupés carrés. Et ça. Le gars, ben lui, a une tête de ballon de football à la Stewie. Oui, exact. Environ, genre. Ça ressemble à ça. Bref, c'est un garçon, un homme de 26 ans et sa demi-sœur adolescente avec qui il était en amour a reçu une sentence. Il va aller en prison. Donc, après avoir pris des photos d'eux-mêmes avec des actes sexuels horribles envers des enfants. Oh non! Donc, c'est Matthew Thatcher, 26 ans, et sa demi-sœur Emily Thompson, 18 ans, de Neath, en Angleterre, ont été trouvés coupables d'avoir ciblé 3 enfants, les avoir attirés et ensuite les avoir, fait des trucs sexuels violents en prenant des photos de ces abus-là. Une troisième personne nommée Mandy Wright, 28 ans, de Cardiff en Angleterre, a aussi ciblé des enfants et a vu ces photos-là. Elle a été trouvée coupable, elle, de 5 chefs d'accusation, dont possession d'images montrant de l'abus sexuel envers des enfants. Voyons, qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là? Ouais. Donc, ils ont reçu des sentences très longues pour ces crimes horribles, dit donc Karen Thomas de la police de South Wales au Wales Online, selon les dossiers médicaux. Et là, évidemment, on dira pas tous les détails dans ces articles-là, mais il y avait des signes chroniques d'abus sexuels chez un de ces enfants-là. Un des enfants était tellement blessé qu'il ne pouvait pas respirer. Voilà. My God. Donc, la sentence de Thatcher est de 26 ans en prison, Thompson 12 ans, et Wright, qui est la collègue, la troisième personne, va, elle, servir 7 ans en prison. Ils disent pas pourquoi elle reçoit moins de temps qu'eux? C'était seulement la troisième, là. Elle était pas dans le ring d'organisation de ce truc-là. Ça dit seulement qu'elle avait vu les photos, il avait ciblé les enfants. Mais Thompson, c'est pas... la demi-sœur, non? Non, Thompson, c'est la demi-sœur, c'est Wright qui est la troisième personne. Okay. C'est Wright qui a 7 ans. Thompson a 12 ans. Ouais, mais c'est pas beaucoup. Moi, Ça, je sais pas, par contre. Faudrait aller dans les détails. Là, mais ouais. 26 ans, 12 ans, j'avoue que les deux sont pas mal loin l'un de l'autre. C'est ça. Alors que pourtant... que lui agit plus qu'elle. Ben, peut-être. Puis il y a aussi des trucs, des fois, des petits deals que tu fais là, pour avoir ouais. moins long en prison, tu stoules l'autre, des trucs comme ça. Il y a plein de détails qu'on saute en allant pas jusque dans les creux profonds de l'article. T'as bien raison. On veut pas se déprimer trop. Ensuite, on parle de la vérité qui est souvent plus étrange que la fiction. C'est un auteur de livres de crime. On a parlé de littérature avec toi mm-hmm. tantôt. Est-ce que tu aimes les livres de crime? Parfois, oui. Ouais, c'est le fun, hein? Ouais. Moi aussi, des polars. Ça dépend lesquels, mais ouais. Mm-hmm. Donc, un écrivain de crime qui a un passé meurtrier secret, oui. Donc, un écrivain qui a appelé, entre autres, un de ses romans, The Guilty Secret, le secret coupable, qui apparemment lui-même avait un secret terrible pendant tout ce temps-là. Une fiction qui a dépassé, la réalité qui a dépassé la fiction, oui, dans un cas de meurtre qui date d'il y a 22 ans. C'est selon le China Daily. L'auteur de 53 ans, Liu Yongbao a été arrêté à sa maison de Nanling County, dans la province d'Anhui, en Chine, pour avoir frappé à mort 4 personnes dans maison d'invités de la province de Zhejiang en novembre 1995. Un autre suspect des meurtres, un entrepreneur de 64 ans, identifié seulement par son nom de famille Wang, a été arrêté quelques heures plus tard à Shanghai, basé sur les informations fournies par Liu. Voilà. Donc, selon la police, Wang, qui est maintenant le représentatif d'une compagnie... c'est le représentant légal d'une compagnie d'investissement, oui. Vivait et travaillait dans Zili, une ville de Ouzou, province de Zhejiang, pendant 2 ans à l'époque des meurtres de 1995. Lui et son ami Lou restaient dans une maison pour invités dans une petite ville. Donc les deux ont essayé de voler un des invités qui s'appelait Yu. Mais lorsque la victime les a confrontés, ils l'ont tué. Taboy, hein? On passe pas par 3 chemins. C'est ça. Faire 3 chemins. Tu sais, 4 chemins, c'est correct, c'est mais ça, 3 chemins, c'est mieux. Donc, on va directement plus vite. En essayant de cacher leur crime, la paire aurait frappé à mort un couple de personnes âgées qui s'occupaient d'une auberge de jeunesse, un hostel qu'on appelle, avec leur petit-fils de 13 ans. Donc, il y a eu une série d'entrevues par rapport à ça. Il y a tout plein de détails très, très lugubres. Au moment de l'arrestation, il a donné à la police, l'homme, une lettre qu'il avait écrite à sa femme qui n'était pas au courant de ces crimes-là. Et dans la lettre, Lou a écrit « Je peux finalement être libre de cette tourmente mentale que j'endure depuis si longtemps. Wow. » Qu'il endure depuis si longtemps après avoir tué quelqu'un, quand même. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est pas comme... C'est un pauvre gars, là. Hein? Non, c'est ça. Aucune pitié. C'est ça. On dit dans son roman de 2010, The Guilty Secret, l'auteur écrivait « J'aimerais écrire un roman qui parle d'une écrivaine qui a tué plusieurs personnes et dont les cas restent irrésolus. » Donc tu vois qu'il avait comme peut-être basé certaines choses dans ses livres sur sa propre histoire. Vie. Voilà. Ensuite, c'est pas nécessairement un crime, mais c'est quelque chose qui est pas correct dans la vie, donc j'englobe ça dans la chronique après le crime. C'est une femme handicapée qui dit qu'elle a été refusée dans un magasin, en fait, dans une salle d'essayage. Une femme handicapée qui dit donc qu'elle est allée chez Texas Nordstrom Rack. On lui a refusé le service, on lui a refusé qu'elle entre dans la salle d'essayage, selon CBS DFW. Elle s'appelle Danny DeRusse. Elle a dit au journaliste qu'elle essayait d'acheter des nouveaux vêtements dans ce magasin à Dallas. Elle a demandé à avoir, bien sûr, la salle d'essayage pour handicapés. Un employé lui a... présumément, nous disons, refuser qu'elle entre, malgré le fait qu'elle a perdu une de ses jambes il y a plus d'un an après un accident de moto. Ben voyons donc. L'employé ne voulait pas changer d'avis, peu importe comment elle s'exprimait. Donc, elle a supplié pour pouvoir entrer et non, personne ne l'a laissé faire. Nordstrom s'est excusé, évidemment, comme toujours. Ben oui. Et on dit que DeRusse a reçu une excuse écrite du gérant du magasin, mais qu'elle ne prévoit pas y retourner, avec raison. Ben là, je comprends. Ensuite, un docteur qui aurait présumément violenté sexuellement une adolescente dans un avion en plein vol. Mais non. C'est la police du New Jersey qui a arrêté un passager où il a accusé d'avoir violenté sexuellement une personne, une fille de 16 ans en plein milieu d'un vol, selon ABC News. Vijayakumar Krishnappa, 28 ans. C'est un petit schnappa, comment on appelle. 28 ans. Pas de blague là-dessus, voyons. Mais non. Pas de blague. Franchement. Aurait touché de façon inappropriée l'adolescente plusieurs fois alors qu'elle dormait, selon une plainte, dans la cour fédérale du New Jersey. Ça aurait lieu pendant un vol de Seattle à Newark. Donc, l'adolescente, qui reste anonyme, bien sûr, voyageait seule. Et Krishnappa était assis à côté d'elle. Elle a décrit l'incident à CBS Miami. Elle dit « Je pouvais sentir sa main sur ma cuisse et une de ses mains est entrée entre mes jambes et il frottait. » Puis bon, gars, on va sauter ces détails-là. Hein? Ben oui, hein? La fille qui a pu changer de siège par après, sa mère dit que United était extrêmement... ne l'a pas aidé du tout lorsqu'elle a appelé pour se plaindre. Le FBI et la police ont finalement appréhendé Chris Napa, l'ont arrêté. L'avocat du garçon de 28 ans, de l'homme de 28 ans, ouais, dit que son client nie les accusations et mérite d'être considéré comme un homme innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, Chris Napa, c'était un médecin. Il est présentement libéré sous caution. Il pourrait faire face à une peine de mort. une peine de 2 ans en prison et déportation possible aussi. Ah, ça c'est. Pourquoi j'ai dit peine de mort? Dire que le mot les mots peine de. Ouais. Même quand tu parles de pâte, là, je vais dire des peines de mort. Des peines de mort. Ensuite, un employé qui va en prison pour avoir empoisonné ses collègues de travail. Une femme, ouais. Le monde est fou, c'est l'idée même de la chronique. Donc, une femme qui ne s'entendait pas avec ses collègues de travail va passer 3 ans et demi derrière les barreaux pour les avoir empoisonnés, oui, l'an dernier, avec du Windex. Ah, ben voyons donc. Maida Edith Rivera Juarez, 33 ans, a reçu donc sa sentence après avoir plaidé coupable en février à des accusations donc d'avoir modifié de la nourriture avec l'intention de blesser ou de tuer quelqu'un, selon le Daily Mail. Donc, le cas vient d'octobre. Les collègues de Rivera Juarez, dans une compagnie de camions de Sterling en Virginie, se sont plaints d'avoir été malades après avoir bu le café dans le bureau. Ah! Juste le café, c'est classique comme ça. Les victimes ont dit à la police qu'ils avaient des problèmes de digestion et de la diarrhée. J'espère, t'as bu du Windex. Du Windex. Après la plainte, le patron de Rivera Juarez a examiné la vidéo de surveillance à l'intérieur de la salle de pause et elle a été virée, bien sûr. En entrevue avec les détectives, elle a admis qu'elle prévoyait donc faire ça avec le café, aussi qu'elle avait aussi mis du savon à vaisselle dans la boisson de son patron. Oh my God! Ouais. Lui ici, il filait pas. Probablement pas. Donc, les produits de nettoyage pour les fenêtres, ça contient plusieurs ingrédients vraiment nocifs, comme de l'ammoniac, qu'on dit, je pense, de l'alcool isopropyl, de l'éthanol et du méthanol. Désolé, je connais pas ces termes-là en français rapidement comme ça. Les gens qui consomment donc du nettoyant pour les fenêtres pourraient souffrir de convulsions, de problèmes de maux de gorge, perte de vision, dommages à l'œsophage, des vomissements, de la difficulté à respirer et dommages au cerveau. Écoute. Ouais, rien que ça. Juste ça. Le National Library of Medicine suggère que quelqu'un qui croit avoir été empoisonné par du Windex ne devrait pas vomir. À la place, on devrait boire du lait ou de l'eau jusqu'à ce que les professionnels médicaux puissent vous assister. Hmm. Je ne savais pas ça. J'aurais pensé de faire vomir. Oui, parce que le lait, ça a des égalisateurs, là. C'est neutre, du lait. Oh. C'est pas acide, c'est pas... C'est la boisson la plus neutre que tu peux avoir. Non, je savais pas ça. Ouais. Pas capable de tirer mon verre. Une mère et sa fille avaient un salon de massage érotique dans leur maison. Oh boy! Notre prochain sujet. Une femme et sa fille qui opéraient... Ils font peur les deux, ouais, déjà en partant. Encore toujours des grosses faces de champion. C'est tout le temps les gens, ouais, c'est ça, tout le temps les gens qui font le plus peur, qui sont sur ces photos-là. La fille, j'imagine que la fille, c'est celle de droite, les deux ont l'air quand même d'un âge, tu sais, ouais, quand même similaire, là. Je te dirais pas que l'autre a l'air vraiment plus vieille que sa fille. Mais la fille a une face à la... Tu sais, dans Batman, là, deux faces. C'est exactement ce que j'allais dire. D'un côté, elle a l'air bête, d'un côté, elle a l'air fine, mais en même temps, c'est la même face. Ça fait peur. Allez voir. Ça fait très, très peur. Dans les notes de l'émission, assemblagerequis.com, c'est dans les notes de l'émission numéro 1121 si la photo vous intéresse. Bref, une mère et sa femme opéraient présumément un salon de massage érotique dans leur maison en banlieue de la Floride. Bel endroit en ce moment. Où ils faisaient aussi, elle faisait la vente de faveurs sexuelles. Donc, la police a arrêté Anne-Mary Dodge, qui a 55 ans, et sa fille de 30 ans, Jennifer Lynn Dodge. Les deux viennent de Sarasota, dans une opération faite juste pour elle, donc une sting operation qu'on appelle. Les officiers undercover, incognito, bien dans sa peau, ont répondu aux avertissements qu'une femme avait postés sur backpage.com pour faire... avertissement, c'est une publicité, voilà. Pour faire la promotion de leur service, selon le Daily Mail. Une des publicités pour Anne Dodge, qui dit se spécialiser dans les massages énergétiques de deep tissue, donc ils vont très profondément dans vos muscles. Donc, elle disait qu'elle était donc une thérapeute, massothérapeute, talentueuse et très belle, que Dieu utilise pour énergiser les gens. Oh, et vous avez un tout nouveau niveau d'extase. Et quand tu marques un niveau d'extase dans ton massage, je sais pas. C'est rare qu'un message... Je suis pas certaine. Ça peut pas atteindre l'extase ben souvent. C'est ça. Donc, ils ont arrêté Anne Dodge après qu'elle ait donné à un officier incognito un massage. Hein? Le gars, il a profité du massage quand même, ou... Je sais pas. Parce que ça dit qu'elle a donné un message et non pas elle a offert un message. Donc, d'après moi, donc elle l'a donné. Ouais, le gars, au moins, il a eu son... Ouais. Je sais pas. On présume, là. On présume. La mère a dit à WFLA-TV qu'elle a quand même un permis de massothérapeute. Oui. Donc, personne dit qu'elle n'était pas massothérapeute. C'est pas ça le problème. Tu offres ton corps. C'est ça. C'est un peu plus ça le problème. Donc, elle est accusée donc, d'avoir pratiqué des techniques de santé sans permis. Ça dit ça quand même. Et puis, on dit aussi qu'elle a opéré un salon de massage sans permis. Et sa fille est accusée d'un chef d'accusation. On dit qu'elle a trois précédents verdicts de culpabilité par rapport à la prostitution. Les femmes ont pu sortir de prison. Anne a pu partir en payant 4 000 $ de caution et Jennifer à 1 500 $. Voilà. Wow. Ensuite de ça, un homme mis en prison pour avoir essayé de... Et ça, c'est un petit peu bizarre. Il a comploté pour que sa femme se fasse arrêter pour avoir engagé un hitman pour le tuer, lui. Hein? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. L'homme a essayé d'entourlouper sa femme pour qu'elle se fasse prendre là-dedans. Donc, c'est en Pennsylvanie, un homme a reçu une sentence pour avoir fait semblant d'être sa femme, son ex-femme. Ben, ouais. En fait, ils sont encore mariés, mais... J'imagine que c'est. J'imagine que ça tire à sa fin. C'est probablement. Donc, sa femme avec qui il ne s'entend plus. Ouais, et avoir passé une publicité dans Craigslist pour trouver un hitman contre lui-même. Donc, c'est selon Public Opinion, qui nous dit que Christian Kolsch, 30 ans, va passer entre une journée et 2 ans en prison pour avoir fait cette fausse publicité-là. Évidemment, il n'y a pas personne qui est mort là-dedans. Là. Au moins, non? Au moins. Donc, la sentence va être, comme on dit, ça va avoir lieu en même temps qu'un précédent séjour en prison. Donc, ça va comme être amalgamé ensemble, qu'on nous dit. Selon les documents de la cour, Kolsch, qui faisait semblant de sa femme, a écrit une publicité sur Craigslist demandant à quelqu'un de prendre soin de son mari, s'occuper de lui. La publicité indiquait que Kolsch abusait et battait sa femme. Donc, lui-même a écrit sa publicité en disant que lui-même battait sa femme pour pouvoir... créer le doute que c'est vraiment la femme qui l'a écrit pour pouvoir le tuer. Donc, il fallait qu'il soit tué. Les enquêteurs ont déterminé que c'est Kolsch lui-même qui était derrière la publicité en apprenant que ça venait d'un compte qu'il avait créé lui-même. En cours, il a plaidé coupable d'avoir imité une autre personne. Il va servir sa sentence dans une prison de transition à Franklin County, dans le township de Washington. À l'origine, il avait reçu une sentence... de violence, est-ce que c'est ça? A simple assault charge, donc il avait violenté quelqu'un, si je comprends bien. Wow. Il a violé sa probation après avoir créé sa publicité en ligne, ce qui a fait qu'il a reçu une autre sentence de 4... C'est quoi? 4 and 19 months. 4 ans et 19 mois? Je crois que oui. Je crois que c'est ça. Hein? Ouais. J'imagine qu'il manque le mot année dans la. Probablement. Je pense que c'est ça. Bref, il n'a pas le droit non plus de contacter sa femme avec qui il ne s'entend plus. Et il va devoir passer en thérapie pour violence domestique. Voilà. Ensuite, un couple qui conduit sur la route avec le corps mort d'un homme qu'ils ont tué. Ah, alors que leur fille, de 13 ans est toujours assise dans le siège arrière de leur voiture. Hey, des beaux parents, c'est de très bels exemples de vie. Tu vois, on parle de face de champion. Lui, c'est pas mal juste le gars, je pense, qui a l'air de face de champion, qui regarde même pas la caméra et qui a l'air de... Lui, il a vraiment l'air pas gentil. Sous l'influence. Aussi. Peut-être. Je sais pas. Bref, la police de Californie a arrêté un couple après les avoir attrapés avec un corps mort dans leur valise. En fait, c'est leur véhicule utilitaire sport. C'est très important. J'aimerais avoir la marque et le modèle. Mm-hmm. Forçant leur fille de 13 ans à rester sur le siège arrière, selon le San Luis Obispo Tribune, les députés ont détenu donc Darwin Keith Elascari, 59 ans, et Sherilyn Bogus, 50 ans, après avoir trouvé le corps en décomposition, qui a plus tard été identifié comme Donald Eugene Cunningham, de 83 ans. L'incident, au départ, a juste été un arrêt normal. Là, les officiers ont arrêté le couple pour une raison autre qui n'est pas spécifiée dans l'article. Et là, ils ont senti le corps. OK. Tu sais, les policiers, d'après moi, connaissent l'odeur d'un corps mort. Ouais. Je pense que c'est assez puissant. Oui, parce que ça... Ouais, non, c'est ça. Ça sent... Tu veux pas sentir un corps mort. Genre. Donc, ils devaient enquêter un petit peu. C'est toujours pas clair comment Cunningham est mort ou comment son corps a fini dans leur véhicule utilitaire sport. Mais les enquêteurs croient qu'il s'est passé quelque chose avec le couple. Et on dit même que le couple était probablement sur leur chemin pour aller enterrer le corps lorsqu'ils ont été capturés. Une autopsie performée sur Cunningham dit que ça pourrait prendre 8 semaines en date de l'article pour avoir les résultats de la toxicologie, donc pour l'instant, pas encore de résultats. Une enquête préliminaire indique que Cunningham était une connaissance à long terme du couple de Bakersfield, son Cal Coast News, donc il connaissait la victime. La police aurait aussi trouvé de la drogue dans la voiture, donc le couple a été accusé de possession de substances contrôlées et d'avoir mis un enfant en danger. Alaskari, est à la San Luis Obispo County Jail pour 105 000 $ de caution. Je pense pas qu'il va pouvoir sortir. Et Bogus, elle, est à 150 000 $. Donc, un petit peu plus. Bogus, c'est la dame, ça. Ouais. Wow. Il pourrait être accusé de meurtre lorsque l'enquête continuera. Et évidemment, leur équivalent de la DPJ aux États-Unis a pris soin de la fille de 13 ans. Elle n'est plus avec ses parents. Ben, j'espère. J'espère aussi. Ensuite, une actrice qui s'est fait voler sa bague de mariage. OK. Et 50 000 $ après que son mari ait accueilli une femme comme ça dans leur appartement. Et c'est une actrice connue relativement. Là, c'est quand même une série qui joue à moi et compagnie. Genre. Mais de l'émission Shades of Blue. L'enquêteur, ouais. Quelque chose avec Jennifer Lopez. Oui. Bon. Bref, l'actrice Odette Warder apparemment s'est fait voler 50 000 $ de bijoux dans ses maisons de Manhattan. Son mari a accueilli une visiteur comme ça tard en soirée selon le New York Post. Ils se sont dit au New York Daily News que la femme mystère est partie avec la bague de mariage de 30 000 $ et une montre Rolex de 17 000 $ le 19 juillet dernier. Le mari de Warder, Jean-Pierre Henderson, apparemment a été vu avec la suspecte dans leur maison le soir en question. Les caméras de surveillance ont attrapé la femme en train de quitter le domicile une heure plus tard, selon les autorités. Le suspect est aussi accusé d'avoir volé 2 000 $ de d'autres bijoux, là, peu importe, là, plusieurs milliers de dollars de bijoux. Le département de la police de New York a sorti quelques photos, c'est sur les notes de l'émission, sur assemblagerequis.com. On espère l'identifier, cette dame-là, un jour. Donc, en plus de jouer une détective du NYPD dans la série de NBC Shades of Blue, Warder a aussi écrit Poison Rose, une autobiographie sur comment elle est revenue d'un coma à l'âge de 16 ans. Donc, quand même, c'est à lire si ça vous intéresse. L'actrice et son mari n'ont pas encore commenté en date de l'article, bien sûr. Mais lui, il a passé du temps avec elle puis il sait pas comment elle s'appelle? C'est une motadine de bonnes questions, ça. Bonne question. Je sais pas ce qu'il faisait avec elle, là, mais... Mais ça veut pas dire que son mari habite encore avec Odette Warder. Ça dit son mari. Peut-être qu'il a utilisé l'appartement comme place pour l'accueillir, la femme. On sait pas, on ne peut que supposer. Peut-être. Il y a pas les détails, malheureusement. Ensuite, une gardienne d'enfants. Et encore une fois, je dois me répéter. Après le crime, s'adresse à un public plus ou moins averti. Oui. Une adolescente gardienne a forcé un enfant de 4 ans à performer des actes sexuels. Oh là là! Sur elle. Donc, c'est quoi le trip, là? Ouais. Une femme de 18 ans du Texas a été accusée d'avoir forcé un enfant qu'elle gardait à performer des actes sexuels sur elle. La police de San Antonio a arrêté Esmeralda Marie Medellin. C'est ça, il l'a arrêté, selon le San Antonio Express News. L'enfant, apparemment, aurait dit à sa mère que Medellin lui a demandé de performer des actes sexuels sur elle alors qu'elle gardait le garçon le 28 mars dernier, selon l'affidavit. Après avoir entendu ça, la mère a appelé la police. Lorsque la femme était toujours chez elle, en fait, la femme, la gardienne, était toujours dans la maison de madame. L'enfant et Madeleine ont été amenés à l'hôpital pour être examinés sexuellement parlant. Les enquêteurs ont ensuite amené Madeleine chez les policiers, où ils ont demandé son témoignage, voilà. Elle a été relâchée plus tard, selon ce que ça nous dit ici. Plus tôt ce mois-ci, les résultats de l'examen sexuel est revenu et ça montre que l'ADN du garçon était effectivement sur les seins de Madeleine. L'ADN masculin a aussi été découvert sur l'endroit de la femme qui est au centre de toute relation. Et la police a arrêté Madeleine pour violence sexuelle sur un enfant. Elle était toujours en prison à Bexar County Jail avec une caution de 75 000 $ selon le journal. On dit que c'est ça. Environ 90% des victimes connaissent leur abuseur, apparemment. Ben oui, apparemment. 60% se font faire ça par quelqu'un qui est dans la famille de l'enfant, donc quelqu'un de confiance, dont une gardienne fait partie. Oui, c'est ça. Ensuite, un homme a battu une femme âgée de 94 ans. Non, l'homme a 94 ans, pardon. Okay. Je m'excuse, je me reprends tout de suite. Il a ensuite mis sa maison en feu quand il a appris qu'il n'hériterait pas de cette maison-là. Mais voyons, non. Ouais, donc la police dit que quelqu'un qui... Dans le fond, cet homme-là s'occupait de la dame. Il vit en Floride. Il a battu cette femme âgée. Il a essayé de mettre sa maison en feu. Tout ça à cause d'une chicane par rapport au... comment est-ce qu'on dit ça, au testament de la personne. Donc, selon le New York Daily News, Roman Dusk, 65 ans, était furieux parce que la vieille bonne femme l'a informé qu'elle prévoyait donner sa maison à quelqu'un d'autre à sa mort. Il l'a présumément lancé par terre. Il a commencé à frapper sur sa poitrine. Mais là, franchement, pauvre madame. Ouais. Et après avoir planifié mettre sa maison en feu, les députés sont arrivés à la maison, ils ont trouvé le corps ensanglanté avec plein de bleus, bien sûr, d'un petit peu partout sur le corps. Elle a été amenée à l'hôpital et malgré tout ça, on s'attend à ce qu'elle survive. La dame. La victime a dit aux autorités plus tard qu'elle a permis à cet homme d'entrer, d'emménager en fait chez elle parce qu'il avait nulle part où aller. Oh. Elle le connaît depuis l'enfance et elle l'a élevé comme un fils. OK, puis c'est pas lui qui hérite. C'est ça. Et là, c'est triste, hein, mais ouais, bon, c'est la vie. C'est ça. Le titre est vraiment mal écrit, là. C'est vraiment la femme qui a 94 ans. Ouais. C'est, les virgules sont pas la bonne place. Donc, il a dit, je cite, « Tu as 94 ans et les gens ne devraient pas vivre aussi longtemps. Je suis ici pour te tuer. » Et apparemment qu'il était sous aussi lorsqu'il a attaqué la victime. La femme âgée a dit à la police qu'elle a dit au suspect le reste des... Non, c'est un petit peu trop dark, tout ça. Le suspect est accusé, donc, d'avoir essayé de la tuer, bien sûr. Il est derrière les barreaux au Seminole County Jail sans possibilité de caution. Voilà. Ensuite, un homme qui tranche les mamelons de sa copine. Oui, et met une couverture dans sa bouche pour que personne l'entende crier. Mais voyons donc, c'est quoi le problème? Du Dakota du Sud qui va passer 30 ans en prison après avoir plaidé coupable d'avoir coupé donc les mamelons de son ex-copine avec des ciseaux et avoir mis une couverture dans sa bouche pour l'empêcher de crier. Le Argus Leader nous dit que Tony Deval Ledbetter, 45 ans, de Sioux Falls, a été arrêté en octobre 2016, accusé donc de violence domestique. Il a plaidé non coupable et finalement il a replaidé coupable. À la place plus tard pendant un procès préliminaire pour 3 accusations de violence domestique. Donc ça vient d'un incident où Ledbetter se chicanait avec son ancienne copine à Sioux. Ledbetter est devenu tellement enragé qu'il a commencé à la frapper avec ses poings. Il a ensuite frappé sur la tête. Elle est bien sûr tombée au sol. Lorsqu'elle a essayé de crier à l'aide, il a pris une couverture et l'a mis dans sa bouche pour couper ses cris. La victime était enceinte à ce moment-là de l'enfant de Ledbetter. Ouais, il a pris ensuite une paire de ciseaux. Il a coupé les mamelons de la fille alors qu'il est assis. Il est assis sur elle. La victime a réussi à s'échapper, à s'enfuir de la maison. Ledbetter a lui-même appelé le 911. OK. Ouais. Il disait que c'était par autodéfense. Maintenant pourrait passer 30 ans en prison. Ben, j'espère. Ben, j'espère aussi. Donc, la victime, dont le nom n'est pas donné pour des raisons de vie privée, a dit qu'elle et le bébé vont bien. Un ami a démarré une campagne de financement sur GoFundMe pour la victime et pour aider à reconstruire, bien sûr, ces fameux mamelons. Oh, man, faut être fou! Vraiment. Une femme a été arrêtée après avoir présumément encore une fois flirté et même touché un policier de façon sexy. Donc un policier de l'université du Texas, un officier a reçu une assez grosse surprise lorsqu'il a arrêté une femme qui était comme ça en train de chiller à l'extérieur d'une pharmacie là, qui n'était pas supposée être là, avec une canette de bière ouverte. Mm-hmm. C'était pas supposé passer ton temps à niaiser près d'une pharmacie. Donc l'officier Alan Martin a demandé à Bonnie Faye Terratiano, 43 ans, pourquoi elle avait une bière. Bon, ils ont vérifié ses antécédents. Elle avait 2 mandats d'arrestation contre elle. Terraciano a été placé à l'arrière sur la valise de la voiture de police, selon la paperasse des policiers. Mais elle est tombée parce qu'elle était saoule. Mm-hmm. Martin était arrivé pour l'aider. Terraciano l'aurait pris par l'appareil masculin et aurait tordu. Oh! Et ça a pas arrêté là. Dans la voiture, Terraciano aurait demandé à Martin pourquoi est-ce que t'es aussi beau mais aussi méchant. Oh mon Dieu, OK. Ouais, et elle a dit aussi « You're hot, man. T'es vraiment hot. C'est pour ça que je t'ai pogné par là. » OK. Donc, c'était, tu sais, tu pensais en le twistant que c'était pour être pas correct, mais c'était parce qu'il... Parce qu'elle voulait ça. C'est ça. Elle aime ça rough. Ouais. Bref, un des mandats d'arrestation de Terraciano est justement pour intoxication en public, donc ça a bien du sens qu'elle était en train de boire près d'une pharmacie. Mais c'est rare qu'on pense à ça, hein. Ça arrive quand même, que ce soit les femmes qui décident de faire quoi que ce soit avec les hommes. Égalité. Ensuite, une mère de la Floride qui aurait, encore une fois, cette chronique s'adresse à un public plus ou moins averti. On l'a dit. Donc, une mère de la Floride qui aurait encouragé son adolescente à se battre contre une femme enceinte. C'est donc à Saint-Pétersbourg, en Floride, où une femme est accusée d'avoir disons, encourager sa fille de 16 ans à se battre avec une fille qui est 6 mois, qui était enceinte depuis 6 mois. Selena Sherry Troop, 34 ans, aurait vu sa fille se battre contre une autre fille et à la place d'arrêter l'altercation, la police dit que Troop encourageait les deux à se battre selon The Smoking Gun. Il y a quelqu'un qui a, évidemment, en 2017, tout filmé ça. Ben on peut voir la sûr. Vidéo. Au lieu d'aider, tu sais. Tu sais, sur assemblagerequis.com et même que Troop, la mère, crie « Beat her ass ». Mais voyons donc. Bola. C'est quoi le problème? Si on veut. Non seulement est-ce que la mère a pas arrêté ça, mais on voit qu'elle les encourage dans la vidéo. On dit que Troop est déjà une criminelle endurcie, hein, déjà trouvée coupable. Elle a servi deux séjours en prison. La dernière fois, pendant 2 ans, ça s'est terminé en avril 2013. Vol, entre autres, non-comparution en cours et un paquet de trucs comme ça. Donc, Troop a été accusé d'avoir felony child abuse, donc c'est pas vraiment un abus de violence, mais j'imagine que c'est d'avoir je sais pas comment on pourrait traduire ça en français, mais d'avoir fait quelque chose de pas correct avec son enfant. La femme de Saint-Petersburg est sortie après avoir payé $5,000 de caution. Ensuite, un couple gagne $3 millions après que leur bébé adopté a été retourné aux parents biologiques et ensuite l'enfant a été tué par son père biologique. Wow. Donc, c'est un couple de l'Iowa qui a gagné en cours après avoir poursuivi leur ancien avocat pour, on dit en anglais, malpractice, là, d'avoir pas fait correctement son travail. Lorsque le bébé qu'ils ont adopté a été ramené aux parents biologiques et ensuite tué par le père. Selon People, on dit que Rachel et Heidi McFarland ont gagné leur poursuite contre leur avocat Jason Reaper, qui a agi de façon négligente après avoir échoué. Ouais. De faire que les parents biologiques de l'enfant n'aient plus de droit par rapport à cet enfant-là. Il a échoué, donc les parents avaient encore le droit. Donc la poursuite date de 2014. C'est pour ça que l'enfant a pu retourner chez ses parents. Wow. Ouais, c'est ça. Donc en mars 2014, après avoir eu le bébé que pendant quelques mois, la mère biologique, Markeia Atkins, a décidé qu'elle voulait... c'est compliqué l'histoire, je m'excuse, mais il voulait revoir l'enfant. Et là, il y avait 10 jours pour retourner le petit garçon. Et le couple a dit que l'avocat n'a rien fait pour les aider à se battre pour pouvoir garder l'enfant, la famille d'adoption. Donc, c'est à peu près ça. On dit que... c'est ça, c'est pas mal ça. Bref, le bébé est mort. Oh non! Ouais. Petit bébé. Histoire compliquée, celle-là, ouais. Je m'excuse. Une jeune fille a trouvé un corps mort d'un garçon dans un uniforme scolaire sur une propriété résidentielle et a dit à la police qu'elle pensait que le garçon dormait et a essayé de le réveiller. Donc, c'est une fille qui se rendait à la maison à partir de son école en Alabama. Elle a fait une découverte absolument étonnante. Bien sûr, un jeune garçon qui était mort sur une propriété résidentielle dans Mobile en Alabama. C'est WPMI qui nous dit donc qu'une fille a découvert ce corps-là près de l'autoroute vers les 15 heures. Elle marchait avec un groupe de filles de leur autobus et puis ensuite ils ont rencontré ce garçon-là qui avait l'air d'avoir 5 ou 6 ans. Elle a dit à un membre de sa famille qu'elle avait rencontré ce garçon-là et les parents ont contacté les autorités. La fille a dit à la police qu'elle pensait que le garçon était en train de dormir. Elle a essayé de le réveiller, comme on le disait tantôt. Le garçon portait un uniforme scolaire. La police essaie toujours d'identifier le garçon et il y a très peu d'informations par rapport à ça présentement. Le propriétaire de la propriété sur The Metropolis Road où le garçon était trouvé a dit qu'il n'avait rien vu quand il avait quitté la maison à 10h30 pour son rendez-vous de dialyse. Très intéressant à savoir. Il y a Ashley Rich qui est district attorney du comté de Mobile qui a demandé la patience des résidents parce que pour l'instant on n'a pas encore trop d'informations. Mais quand même, étrange histoire. Ensuite, toujours en admettant le fait que cette chronique ne s'adresse pas à tout le monde, une mère convainc son mari pendant plus d'une décennie qu'elle est médecin, fait semblant que son fils a un cancer pour recevoir des dons. C'est une femme de l'Ohio qui a été trouvée coupable d'avoir mis la vie de son enfant en danger et fraude de télécommunication aussi après avoir fait semblant pendant plus d'une décennie qu'elle était médecin. Elle dit aussi que son fils avait un cancer pour pouvoir accepter des dons sur GoFundMe. C'est NBC 11 Live qui nous dit que pendant plus d'une décennie, Monica Burgett vivait comme un médecin et son mari Jonathan la croyait depuis le début. Les mensonges de Burgett se sont écroulés autour d'elle lorsqu'elle a été accusée de fraude et d'avoir inventé les symptômes de son fils de 5 ans après avoir annoncé qu'il avait un cancer. Oui, le garçon n'a jamais eu de cancer, mais son mari, encore une fois, croyait ses mensonges. On dit que Jonathan a admis que malgré les mensonges, il aimait quand même sa femme. Ah! mais étrangement, il a quand même demandé un divorce. mais a dit que c'était pour s'assurer que les trois enfants restent avec lui après que Bridget ait été accusé, mais qu'il ne planifiait pas vraiment se divorcer. On dit même qu'il a fait des plans avec sa femme et qu'il l'aimait toujours, donc ils passent encore au futur ensemble. C'est quelque chose. On dit que les motifs de Bridget n'étaient pas clairs, mais cette fausse médecin a un historique de santé mentale, de problèmes de santé mentale, bien sûr. On dit qu'un expert en... encore une fois, des détails pour le reste. Le garçon vit maintenant avec ses frères et sœurs et son père au Texas. Et il va quand même bien. Voilà. Une chance. Et boy. Hein, s'en fais-tu des nouvelles? Oh my. Et les gens de ce monde. Oui. On prend une pause. Au retour, qu'est-ce qui nous reste? La ponctualité, Mathieu. Je t'aide avec la ponctualité. Ah, j'ai très hâte. La ponctualité avec Tania dans Tania is gonna entertain ya. Et plus tard aussi, on devrait avoir la visite surprise. Oh là là. Donc restez là, vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 10h. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requiki se poursuit. C'est cet assemblage Kiki. Assemblage Kiki, c'est j'aime ça. Qui se poursuit en ce lundi 11 septembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mmh, il est 9h15. Plus tard, j'ai dit un invité surprise. Il nous a confirmé qu'il serait là. On ne sait juste pas encore à quelle heure, mais ça va être d'ici la fin de l'émission. C'est ça. On termine maintenant à 10h. On vous rappelle, on est là du lundi au vendredi entre 7h et 10h. Dans quelques instants, une autre chronique de Tania is gonna entertain ya. Mm-hmm. Mais avant ça, comme la saison estivale se termine, voici Dilarama, saison estivale sur C'est fou 89 FM. Joins-moi à la fin de la soirée. Embrasse-moi. Tu m'as pas fatigué, mais on était high, tout seul dans le noir. High, je fumais avec toi. Tous nos promenades, la saison estivale. Rejoins-moi à la fin de la soirée. Et tombe dans mon cœur comme tombe la pluie. Je m'ennuie, c'est chez moi. Et on était high, Saison estivale de Dilarama dans Assemblage Requis jusqu'à 10h, 9h18 et maintenant, Tania. Oui? Une autre chronique de ta part, mais t'es productive. Très productive. On aime ça. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain you. On part cette fois-ci de... ponctualité. Oui, en fait, je vais vous donner des petits trucs pour être un petit peu plus ponctuel. Ah. Parce qu'en fait, on le sait, là, c'est le début de la session. Il y en a qui reviennent au travail après les vacances. Exemple, nous autres. Par exemple. Et on le sait que c'est pas nécessairement volontaire de votre part d'arriver en retard. On fait pas exprès. C'est ça. C'est une coutume, des fois, d'arriver en retard pour certains. C'est la comme. Routine, c'est ça, exactement. Mais j'ai des trucs pour vous, justement, pour arriver à l'heure, que ce soit à vos cours, que ce soit à vos rendez-vous, que ce soit au travail. Et on rappelle qu'arriver à l'heure veut dire pouvoir partir à l'heure, parce que quand t'arrives tard, des fois, faut que tu partes tard. Exactement. Puis c'est toujours plus le fun aussi, surtout si vous êtes en équipe ou peu importe. Si vous arrivez à votre cours, ben votre professeur ne souffre pas nécessairement de votre retard. Ah, des fois, il laisse la porte barrée, t'as pas l'entrée. Exactement. Mm-hmm. Surtout à l'université, faites attention. Vos employés, si tu punches pas à l'heure, parfois, c'est toi qui vas en écoper sur Mais ta paye. Ça, j'espère vraiment que les patrons, de nos jours, continuent de tenir leur bout. Là, parce que selon ce que j'entends de notre directeur général, et là, il parle pas d'employés ici, mais il parle en général dans la vie, les jeunes, des fois, mettons, là, j'ai l'air vraiment vieux en disant mettons. Mais tu sais, c'est comme, je vais travailler pour toi, là, mais je travaille pas la fin de semaine, je travaille pas jusqu'à telle heure, tu sais, j'ai des conditions tout le temps. Apparemment que les jeunes sont de plus en plus demandants et que les patrons sont de plus en plus du genre à pas avoir le choix de les prendre quand même, sinon ils n'ont personne pour travailler. Exactement. Ouais. C'est Mais plate, ça. Ponctualité égale souvent respect aussi des gens autour de nous. C'est donc un contrat, les deux ont leur rôle à jouer, dont l'employé, il faut que tu sois là à l'heure. Exactement. Ah. Donc le premier truc que j'ai à vous donner, c'est de réévaluer le temps que vos activités vont vous prendre. Ah. Par exemple, si vous mettez, si vous vous en mettez trop sur les épaules, si vous vous dites que vos activités vont prendre beaucoup de temps et que vous êtes à pratiquement trois endroits à la fois, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc c'est impossible d'être à trois endroits à la fois, sachez-le. Exactement, à moins d'avoir par exemple une machine à voyager dans le temps ou le fameux collier dans Harry Potter qu'Hermione utilise. Les matins, si le matin vous croyez que vous êtes capable de vous préparer en 15 minutes, mais que finalement vous en prenez tout le temps 30, ben prévoyez, gérez votre temps d'une façon différente. Exact. C'est souvent ce qui arrive pour la plupart du monde. L'indice le plus facile, c'est celui que j'utilise, c'est de mettre ton cadran 5 minutes avant. Oui. Tu donnes un petit 5 minutes de lousse. Mais c'est pas beaucoup 5 minutes quand tu y penses. Mettons 10, mais moi 5 c'est assez, mais tu sais, vous pouvez y aller avec ouais, 5. Ouais, c'est ça, il dit ça. Oh! Par la suite, vous devez prévoir d'avance. Préparer les choses la veille. Oui, vêtements, lunch. Exactement, c'est souvent une bonne idée. Donc, si vous prévoyez que c'est nécessaire de gagner du temps, bien justement, essayez d'y aller avec la veille. Si vous êtes, par exemple, tu parlais de lunch, bien si vous êtes du style à vous dire « Ah, demain, je vais me faire une grosse salade, blablabla », faites-la la veille, mettez la vinaigrette de côté, je sais pas, pour pas que ça soit détrempé. Mais souvent, ça va vous sauver du temps. Donc, il y a un dicton qui dit « Faites ce que je dis, pas ce que je fais. » Si vous dites, ouais, fais ça, mais que vous le faites jamais pour vous-même, c'est un petit peu ça aussi la problématique. C'est con, mais juste même programmer ton café pour que tu te fasses quand tu te lèves, ça va te donner envie de te lever. Ploup, ploup, petit café pour te starter ça. Tout à fait. Ça se fait, ça. Et lorsque vous préparez vos choses la veille, mais tout va être prêt le lendemain, vous n'aurez pas besoin de courir après toutes vos choses. Et le 5 minutes que vous avez passé en temps normal à courir après votre bus, ben là, vous allez attendre l'autobus. Tellement. C'est différent. J'ai fait ça, attendre l'autobus ce matin. Maintenant, je vais pouvoir me timer. Parce que je commence tout à la session en arrivant à l'avance. Oui. Puis plus la session avance, genre je vais arriver, puis la bus va être en train de passer. Ouais, exactement. Faire attention. Oui, c'est ça. Un autre truc qu'on donne, en fait, c'est de surévaluer le temps de nos déplacements. Donc, si on dit, ouais, ben de là à là, ça me donne 12 minutes, prends-en 18. Ouais. T'sais, et les activités aussi aux besoins. Donc, c'est un point qui est un peu en lien avec le premier. C'est de justement, tout à l'heure, on disait de réévaluer le temps. Mais le fait de surévaluer le temps de nos déplacements, ça nous fait gagner du temps. Donc, si vous savez que ça vous prend normalement 20 minutes vous rendre d'un endroit à un tel endroit, par exemple, de chez vous au travail, dites-vous que ça va en prendre plutôt 30. Mmh. Le petit 10 minutes de lousse que vous allez avoir à la fin, ben vous allez trouver un stationnement peut-être. Vous allez pouvoir aller vous chercher un café. Vous allez pouvoir relaxer tout simplement, ouais, sans être trop énervé, que ce soit en arrivant au travail ou que ce soit en arrivant dans votre cours. Vous allez avoir le temps de faire... C'est le fun de faire ça. Je reviens encore à moi là, tout le temps, là, mais oui, l'année passée, j'aimais tellement ça, je pouvais arriver, on commençait à 7h30, j'arrivais, oui, à 7h15, dans le studio, je pouvais placer mes affaires. Exactement. Là, ma bus me mène à moins 5, on commence à 7h. C'est ça. J'ai pas le temps de faire... Non. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je donnerais pour pouvoir avoir un... T'as pas une bus plus tôt? À 6h15 pour arriver à 7h. Mais elle arriverait à quelle heure? Oh, bonne question. Je sais pas, probablement elle est 30-35, mais là, 6h15... Prendre la bus à 6h15. Ouais. Je suis un humain. Mais passe là ton permis de conduire puis achète-toi une voiture. Bon, le problème est réglé avec plusieurs milliers de dollars. Il n'y aurait aucun problème. C'est vrai. Le quatrième point, en fait, sur 5 dans les trucs pour être ponctuel, c'est d'arrêter de snoozer. Ben oui, c'est la pire affaire à faire. Ça, ça réveille terrible, mal ça, en plus. Oui, il y a des matins que, par exemple, moi aussi, je vais snoozer. Il y a certains matins où je le fais. Mais la fin de semaine. Surtout, snoozer, ça fait en sorte qu'on repousse le moment où on devrait se préparer, qu'on devrait déjeuner, peu importe. Et tu retombes dans un petit sommeil qui ne sert pas à grand-chose. Exactement. Mais c'est beaucoup plus facile de nous lever directement dès que le réveil vraiment sonne. C'est comme un pansement, là. Tu sais, l'effet Band-Aid, là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Tu fais ça d'un coup, t'es correct. Vous l'enlevez rapidement. On le sent moins. On perd beaucoup moins de temps. Et vous allez voir, vous allez être probablement beaucoup plus efficace aussi parce que vous n'allez pas rester dans cette espèce d'effet zombie, là. Les limbes. Exactement. Ouais. Et le dernier truc que j'ai à vous donner, c'est une courte chronique, sachez-le. C'est de réaliser à quel point votre retard peut affecter les autres, oui, personnes autour de vous. C'est souvent ça. Tout à l'heure, je disais de ne pas déranger votre professeur ou que la porte va être barrée, tout simplement. Bien, il faut être honnête sur ce point-là. Si vous pensez peut-être que votre retard pénalise juste vous, c'est totalement faux. Quand vous entrez, par exemple, 10 minutes après le cours soit commencé, bien, vous dérangez le prof, vous dérangez les autres qui sont dans le cours aussi. Les autres élèves de votre classe sont peut-être automatiquement déconcentrés par votre arrivée. Donc, automatiquement, ils vont devoir se remettre dedans. Et s'ils sont plusieurs à faire ça, en plus, genre arriver en retard au cours, ça fait plusieurs dérangements, vous contribuez à un problème. Exact. Ouais. C'est jamais bon, tu sais, si vous êtes sur Tinder, par exemple, puis que vous avez 13 minutes de retard à votre date... Ben, ça montre déjà en partant que vous êtes souvent en retard. C'est ça, votre c'est réputation vous précède. Exactement. Comme on l'appelle. Donc, il faut pas. Il faut faire quelques petits trucs. Il faut essayer d'être beaucoup plus ponctuel. Si vous dites à quelqu'un, je vais être là à telle heure. Ouais, sois là. Arrangez-vous pour être là à telle heure. Parce qu'après ça, c'est surtout votre réputation qui va, oui, y passer. Si vous arrivez tout le temps en retard, mais si quelqu'un a besoin de vous à telle heure, mais qu'elle sait que vous n'êtes jamais là à l'heure à laquelle vous dites que vous allez être là, quand même bien que ce soit, par exemple, votre grand-mère, votre tante, votre meilleure amie, votre père, peu importe, ça reste toujours en tête de se dire « Ah ouais, mais les trois dernières fois que j'y ai dit « Peux-tu être là pour telle heure? » sont arrivées une demi-heure en retard. La prochaine fois, ils vont demander à quelqu'un d'autre, peut-être. Exactement. Ouais. C'est vous qui allez peut-être manquer une opportunité. Vous allez c'est peut-être ça manquer un contrat, peu importe. Donc, vous êtes capable d'anticiper le temps que ça va vous prendre. Vous êtes capable d'anticiper ce que vous devez faire. Le truc, honnêtement, c'est de se lever, de le faire et d'arriver à l'avance. Point. Just do it! Exactement. C'est ça. Vous allez voir, votre ponctualité va être beaucoup mieux après ça. Elle va être récompensée, sûrement. Tout à fait. Absolument. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Une autre chronique de Tania is gonna entertain you. On fait ça tous les jours dans l'assemblage requis. Et là, je regarde ça, 9h27. Ah, l'émission va finir. Non, non, l'émission non, ne non se termine plus à 9h30. Oubliez ça, ça se termine à 10h dorénavant. Oui. Et commence en direct à 7h. Donc, pour ceux qui ne suivent pas depuis le début de l'émission, on est en direct de 7h à 10h, complètement live, du lundi au jeudi, puis vendredi, les meilleurs moments. Donc, on dit du lundi au vendredi, de 7h à 10h, parce que c'est ça. Hein? C'est le même, on remplit cette case horaire-là. Donc, on va être de retour dans quelques instants avec un invité surprise. Il s'en vient de Batiscan. Donc, on compte... sur... fais pas trop de vitesse, là. Non, 20 minutes, il y a à peu près 10 minutes. Exactement. Il devrait s'en venir bientôt, mais on sait pas Baptiste quand il va être là. On vient, restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage Rocky, ce lundi 11 septembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. J'étais en pleine conversation avec notre invité spécial qui s'en vient dans quelques minutes. Au téléphone, sur main libre. Au téléphone, sur main libre, c'est ce qu'il m'a dit en fait, parce qu'on disait arrête de texter au volant. T'sais, tantôt, tu lui as suggéré de rouler plus vite pour arriver plus loin. Exactement. Volant, c'est pas fort, ça. Donc, il dit je suis à 120 km/h et tout va bien. C'est ce qu'il nous dit. Commande vocale pour nous écrire. Commande vocale, oui, exact. Vive Siri. Oui, on adore Siri pour ça. Voilà. Donc, avant de continuer avec cet invité spécial-là, et probablement d'autres choses pour remplir le temps qui s'en vient, on ne sait pas encore. On y va à brûle pour point aujourd'hui, mais on s'en va entendre une pièce de mise en scène. Parce que tout ça, là, ce n'est que poudre aux yeux. Exactement. Poudre aux yeux, c'est de l'acting. De l'acting. Donc, voici mise en scène et la pièce Closer à Assemblage Rocky. Sur C'est fou. 80 FM. Est-ce-tu les oiseaux qu'on avait cet été? Je m'ennuyais des oiseaux. Oui. Ça ressemble à ça. C'est comme un featuring des oiseaux qu'on avait cet été. J'espère que ça vous dérangera pas si j'avance un peu dans la... Ah là là, okay. Il fallait juste attendre, c'est genre 30 secondes. Ah! De la bonne radio. In the hole? Huh. That would be appropriate or inappropriate? Inappropriate. Oh, I'm sorry. You're looking good, Ace. Thank you. Do you like money? And who doesn't like money? Well, if you like money, I'm the guy for you because I can get it for you. You want to work with me? C'était mise en scène avec la pièce Closer directement de YouTube. Ça semble tricky, d'où le début bizarre. C'est comme ça des fois. Hein? Oui. Ça arrive. Il faut le dire, là. Ouais, il faut le dire. On se cachera pas de ces affaires-là. C'est un petit détail qui nous rend charmants, les trucs. Exactement. Comme ça. C'est le fun. Hey, ça, c'est une pièce des palmarès anglophones. Oui. Et voilà justement que j'entends l'animateur, co-animateur des palmarès C'est fou, Mathieu Plante. Oh. Aujourd'hui, au palmarès C'est fou, on écoutera les nouvelles entrées de Catherine Leduc, Canaille, Paupière, Cheap Trick, Walrus, Stephen Wilson et Queens of the Stone Age. Les palmarès C'est fou, c'est maintenant du lundi au jeudi, de midi à 13h. Soyez-y. Ça revient au palmarès, c'est fou tantôt. Il nous reste encore un petit peu de temps pour écouter de la musique avant que notre ami l'invité spécial qu'on n'a pas encore dit c'était qui s'en vienne. Ça a passé proche. Tu as dit de faire de la vitesse, mais Colin, il n'a pas fait assez. Mais t'as failli voler le punch. Oui, je l'ai pas dit là. Non. Parce que d'habitude, je vole les punchs. Oui. C'est un peu ma spécialité, mais. Oui, en effet, hein. C'était bon là-dedans. C'est bon. Non. On écoute Rose Fargo. Voici Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Waller. Willy Waller, 2006. C'était Rose Fargo avec Willy Wonka, assemblage requis. On a encore un petit peu de temps, malheureusement. On n'aura pas beaucoup de temps avec notre invité spécial tantôt, mais c'est pas grave. On retourne à une chronique qu'on a débutée en début d'émission, mais l'intro est beaucoup trop longue pour qu'on la rejoue, donc c'est son foutu palmarès qui recommence. Exactement. Et cette fois-ci, dans son foutu palmarès, on parle d'amour, en fait. On parle d'amour parce que tantôt, dans ta chronique à toi, tu nous as parlé un petit peu de ghosting, de relations amoureuses. Oui. On a comme inventé le terme « love bombing ». Récemment, en tout cas, j'avais jamais entendu ce mot-là et tu nous l'as expliqué dans ta chronique tantôt. Donc, on va parler encore un petit peu d'amour avec Expedia qui a rassemblé une petite liste de mots internationaux qui n'ont pas de traduction exacte pour décrire des aspects spécifiques de l'amour. Donc, c'est la compagnie de voyage qui a collectionné et ramassé 10 de ces mots-là du Positive Lexicography Project. Donc, on commence avec le premier mot, hein, qui est Mamilapinatapei. Oui! Mamilapinatapei. C'est un regard intense qui veut dire quelque chose, mais on ne dit pas de mots. C'est un regard donc, qui est partagé entre deux personnes qui veulent initier quelque chose, mais qui ont peur de faire le premier move. Ah, d'accord. Donc, Mamilapinatapei. C'est comme ça. Ensuite, on a le Quitch, CWTCH, qui est un endroit sécuritaire qui t'est donné par la personne que tu aimes. Ensuite, on a Ya a Bernie, Donc ce serait « tu m'enterres », si on veut. Et c'est utilisé pour exprimer l'espoir qu'un de tes êtres chers va vivre plus longtemps que toi pour ne pas avoir à endurer la douleur de vivre sans cette personne-là. OK. C'est cute. Ensuite, très cute. Oui. « Forelskette », un sentiment d'euphorie qu'on vit lorsqu'on commence à tomber en amour. Ah, OK. « Forelskette », c'est en Norvège. Ensuite, on a « Iktuarpok », qui vient du Groenland. C'est le sentiment d'anticipation quand tu attends quelqu'un qui s'en vient chez toi. Ah! C'est cute, hein? Comme nous, on attend notre prochain chroniqueur, notre crochiqueur, comme on l'appelle. Notre crochiqueur. Virag, en Inde, c'est la douleur émotionnelle qu'on ressent après avoir été éloigné de la personne qu'on aime. Cafouné, au Brésil, c'est le mouvement de passer tes doigts dans les cheveux de ton amoureux et ton amoureuse. Ah! C'est cute. On a Udal, au Sri Lanka, c'est l'acte de faire semblant d'être triste après avoir eu une petite chicane là, vraiment plate un petit peu avec ton être cher. Personne fait ça. On a Gigil, aux Philippines, c'est le désir de pincer ou de squeezer quelque chose ou quelqu'un qui est très, très mignon. Gigil. Ah, OK. Et le dernier, Flechazo, en Espagne, c'est le sentiment que tu t'es fait piquer par la flèche de Cupidon. Donc, quand tu as une connexion intense avec quelqu'un, c'est un Flechazo en Espagne. Flechazo. On a enfin notre chroniqueur qu'on attendait depuis vraiment très très longtemps. Est-ce qu'il veut se présenter lui-même? C'est Xavier McLeish. C'est Xavier McLeish. Ah non, sérieusement. T'as pas mis tes écouteurs encore. Non, il y a la croix. Okay, parce que t'as une intro. Okay. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Non. Xavier McLeish qui est avec nous pour sa petite chronique très très quickie. Écoute, j'ai cinq choses rapides. Non, j'ai fait deux chroniques habituellement, sauf que là qu'on s'était parlé au show de la rentrée cette semaine, ça va être juste. Oui, oui, oui. Je vois que vous en rappelez beaucoup. Oui. Ben oui, on avait vu. On se rappelle de tout ce qui s'est dit au show de la rentrée. Fait que c'est avec là, vous m'aviez dit, ben c'est pas grave, arrive un peu plus tard. Puis là, Mathieu me dit, tu viens le faire en live. J'étais comme, ben comme je vous ai dit. Ouais, mais non. Faut quand même comprendre que la plupart des gens, les chroniqueurs, commencent pas la première semaine en ce moment. Non, mais vous m'aviez dit. Je pensais pas que toi, t'allais commencer tout de suite. Tu m'as dit, toi, là. Mais il était quelle heure quand tu nous as dit ça? Il était, écoute, 8 heures. Avant le show des Cowboys, t'étais pas monté sur la scène dans le show des Cowboys, là. Hey, plus on parle longtemps de ces affaires-là, moins on a de chronique. Heureusement, je fais la huître. Je vais juste dire, ce soir, le premier match a lieu. Oui, ce soir, on est le 11 septembre. Il y a un match à 20h. Les capitaines contre les arbitres, ça va être génial. Il va peut-être avoir plein de blagues sur le tour jumelle. Nul ne le sait. Ah, franchement. En ce 11 septembre. Et voilà. Et maintenant, je fais mes top 5 comme d'habitude. Top 5 des personnes. Des personnes. Top 5 des personnes. Oui, qu'on peut croiser à la rentrée. Oh! Ah, ben oui. Ben oui. Il y aura la personne, la première personne, toujours à l'avance. Hein? La ponctualité. On a parlé de ponctualité, mais toujours avant dans ses travaux. Elle a déjà fait ses lectures, ses manuels sont achetés. Elle a son horaire de cours, elle va avoir déjà sa vignette, sa carte étudiante. Elle sait déjà le nom de tous les profs, les locaux, puis elle est 30 minutes à l'avance, assise du sol. Hey, wow! Ah. Ça, il y a c'est pas vrai, beaucoup y en de en ces gens-là. Une, une ou un. Mais il y a l'extrémiste dans, dans l'avance. Faut faire attention. C'est la fille qui dit oui, on fait un travail d'équipe, elle le fait tout seul parce qu'on se demande si tu l'as fait. C'est vrai. Ouais. Finalement, il y a la fille et papa. Deuxième personne que je considère que je vois le plus en plus en regardant le parking de l'UQTR, elle a le char de l'année. Ben à ses 18 ans, papa, il a acheté la voiture. Elle mérite, là. Oui, non, mais elle s'est acheté la voiture. Elle parle souvent de ses souliers ou de la tendance de ces temps-ci. Oh. Habillée, super tendance. En ce moment, avoir un chandail lacé puis un petit châle bleu poudre. Hein? Elle a... Ah oui, elle a 2351 crayons de couleurs différentes pour ses notes, mais qu'elle n'utilise pas. Au cas où qu'elle brise une mine. Tu vois mon coffre à crayons? J'ai comme 45. Je pense que c'est moi. Mathieu, c'est le fils à papa. Ouais. Non, mais c'est ça. Puis elle veut se faire amie avec tout le monde, mais en même temps, elle n'a aucun lien avec personne parce qu'elle parle juste d'elle. Ah? Vu qu'elle parle seulement d'elle-même, tu sais jamais ce qu'elle a en lien avec toi, mais tu sais tout ce que toi, t'as en lien avec elle. Ah oh, oui. C'est pas fou. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah, bah, tu il y a le laisser-faire. Oh. Ah oui. Ouais. Déjà. Ça, c'est moi. Voir, ceux-là. Déjà blasé dès le début. Là. Non, non, non. Pas de logement. Ça, c'est moi. Oh, oui. Pas de cahier. Pas de crayon. En retard, mais ça, c'est pas mon genre. En retard, car il n'a pas trouvé le local. Sur son sel, il part souvent durant la pause. Fait qu'un, il arrive en retard, puis deux, il part à la pause. C'est vrai. Peu de présence au cours. Mm-hmm. Là, on tombe dans mes deux préférés. OK? Ah, faut choisir ton préféré. Là, je pense que c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier parce qu'il est éphémère, le dernier. Le sportif. Le sportif. Oui, ben oui, Jacques. Ben oui. Il a son chèque de poudre. Son comment? Son shake. Son shake de protéines. Pas son sac de poudre. Son shake de protéines. Il est à l'année en short et en camisole. Oui. Peu importe ce qui arrive. En camisole, c'est la pire affaire, hein, ça. Ouais. Oh. Il a souvent un piercing à l'oreille droite avec un gros diamant. Je sais pas si t'as... du bling. Une chaîne en fer. Oui. Il est en retard sur ses travaux à cause qu'il va trop au gym. Oui, il pousse la fonte. Ben oui. Il aime montrer ses muscles et son tatou frais fait sur l'épaule. Avec mom dessus. Il y a une quote un petit peu célèbre et un petit peu gay sur le moplate ou sur le mamelon. Genre, the girls always be mine. Et il y a toujours sa casquette des Blue Jays de Tampa, parce que c'est la seule équipe sportive qu'il connaît. Ouais, des winners. Oui, ça. Exactement, des grands winners. Écoute, moi ce que j'aime, c'est que c'est vrai, là, tu te promènes. Mettons, tu checkes la chasse un mercredi. Tu checkes, oh, camisole, bling bling, casquette des Blue Jays, c'est beau. Lui, un soir. On l'a saisi, on le comprend. Je le comprends. Il n'y a pas de subtilité là. Non, mais non. C'est pas subtil. Et mon dernier, les hangovers. Ben oui. Mais ça, oui. C'est. Écoute, éphémère en course, donc. Surtout si on est le jeudi. Oui, avec un petit café à la course. Exactement. Donc, t'as un café et un Gatorade qui sont ses breuvages habituels. Ouais. Son meilleur ami, ses lunettes fumées et sa casquette afin de se pencher. Peut parfois faire une sieste durant ses cours, subtilement, entre deux phrases bégayantes d'un professeur. Oh, qu'on nommera pas ici. Non, il faudrait pas. Non, tout le monde a un professeur à nommer. Nommez-les, voilà, dans vos chars, criez. Et voilà, tout le monde les a dit. Non, mais faut aussi nommer que cette personne-là est éphémère. Donc, tu les vois de plus en plus. Au début de la session, sont très, très là à cause des intégrations. Au milieu de la session, ça va correct. Après la mi-session, bang, ils réapparaissent. Ah. Et là, en fin de session, plus ça va, plus ils sont plus mais sont jamais là. Les gens sont pas, ont pas disparu, là. C'est juste leur façon d'être qui change. Non, ils sont pas en cours, là. OK. C'est à un moment donné, quand tu sais pas, moi. Tu vois pas tes cours avant l'examen de mi-session, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, hey, faudrait que j'aille à mon cours parce que tu sais, t'es pas allé à parce trop de cours. Parce qu'elle va donner toutes les notes qui vont être dans l'examen. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais ils sont là le cours avant l'examen, puis ils sont là après la mi-session, ils font comme, OK, regarde. Première mi-session, je suis pas allé à mon cours, là. Je vais y aller. Je me crains que je vais. Fait que là, le premier cours, il est là, il est dedans, il est comme son sel, il écoute pas tant, mais il est là, tu sais. Il est comme, je sors mon cours, et après ça, il retombe hangover, puis ils reviennent plus. Non, c'est vrai. Ah ouais. Puis là, ils vont venir à l'examen final, ils vont avoir une note pas pire ou à chier, tout dépendant de leur ratio scolaire. C'est ça. Ils étudient tout en amine. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Oh oui. Et boy, je connais un programme qui commence par R, finit par O qui Ouais, aussi. R-O. C'est comme la toune B-I-N-G-O sur Facebook. Oui, c'est pareil. R-E-C-R-E-O. Les Cowboys Fringants ont eu d'ailleurs beaucoup de plaisir avec eux. Ouais, mais il y a pas un des membres de leur groupe qui est un récréo? Je pense que oui. Possible. Ils savent de quoi ils parlent, donc. Ils peuvent rire d'eux. Oui, non, mais ils riaient pas d'eux. Ils jouaient avec. Tu sais. Ouais. Rire, c'est pas le mot. Peut-être la dernière fois, quand ils ont dit, ouais, ici, tu peux juste crier, puis ils ont crié le mot, puis ils ont répondu, ils ont fait, ah, c'est drôle, puis ils ont continué. Mais les autres, c'est juste pour avoir. Ah, tu vois, je me souvenais pas de cette partie. Moi, on était parti pas pipi. Ouais, c'est ça, j'étais parti courir. Non, j'étais vraiment parti à la salle de bain. Ok. Là, on a. T'as fini, toi? J'ai vu mes 5 personnes. Xavier a déjà fait sa chronique, donc on peut jaser un petit peu en cette fin d'émission. Tania et Xavier et moi, on était au show de la rentrée mercredi le 6, mercredi dernier, et c'est nous qui animait le spectacle des de Foreign Diplomats, Canaille et les Cowboys Fringants. Donc au début du spectacle et entre les parties, puis à la toute fin. Et à la toute fin, je sais pas si t'as déjà vu un spectacle des Cowboys Fringants avant celui de mercredi, mais ils ont des rappels interminables. Des rappels de genre une demi-heure. Là. Genre au moins une demi-heure. Là. Ils finissent leur spectacle, les techniciens viennent débrancher les micros en faisant semblant. Puis après ça, ils rebranchent. Oups, je me suis enfargé. Puis après ça, ben, ils reviennent, puis ils font une autre toune. Hey, puis là, tu sais. Mais je peux t'expliquer quelque chose? Vas-y. Oui, j'ai vu les Cowboys souvent. J'aime beaucoup les Cowboys dans la vie de tous les jours. C'est un groupe que j'aime parce que... Pourtant, t'es né en 2002, la dernière fois que t'es pas là. C'est ça. J'ai eu 16 ans. OK. Je suis né le 29 février, fait que j'ai eu 4 ans, c'est ça. C'est ça. Fait que là, je viens d'avoir 16. Ça a bien de ça. 12, 16, comme j'ai eu 4 ans d'un coup. Et j'ai vu les Cowboys quand même assez souvent. Et à toutes les fois, ils font une toune, ils disent tout le temps la même phrase. Mais c'est peut-être moi qui ai vu le même show, là, mais qui font « Ah, vous êtes toujours dans nos vieilleries, puis ils partent une vieille toune que personne connaît. » Ouais. Mais pourquoi? En même temps, t'as l'impression de la connaître parce qu'elle est tout le temps sur le même beat. C'est ça. Les Cowboys Fringants, ça. Toutes les 8 secondes, puis toutes les autres tounes sont pareilles. Ouais, ils commencent à se renouveler, là. Après 20 ans, on va se le dire, là. Tu le dis. Marine Marchande, on va se le dire, ça. J'ai pas écouté ça. Ça levait un peu. Ça joue ailleurs, fait que non. C'est ça. C'est parce que ça joue au karaoké le mardi soir à la chasse-galerie de façon intensive. C'est ça. C'est ça, mais c'est parce que t'as connais de background. Mais non, même chose pour le chat avec toi. Mais Oui, le chat d'acteur. Ah, ben, okay. Ouais. Voilà, merci pour les corps fréquents. Bref, c'est ça, on n'était pas là pour animer parce qu'on aimait là pour animer parce qu'on aime ça animer. Hein? Mais je pense que c'était le meilleur show de la rentrée en termes de programmation qu'il y a pu avoir. Oui. Il y avait beaucoup de monde. On s'entend que le Colocasse, ça l'a fait un hit, mais les corps fréquents, surtout la Mauricie, c'est une coche au-dessus encore. Ouais. Bon, c'est un classique. J'imagine que l'année prochaine, ils vont ramener Cire Pathétique, mais... Non, mais là, tant qu'à rester dans Mauricie, l'année passée, on a eu Half Moon Run. Là, on est rendu... Bon, prochaine étape, c'est Cire Pathétique. Quel autre artiste mauricien qui... Ah, OK, Fred Pellerin. Fred Pellerin en première partie, puis Cire Pathétique en deuxième. Ça va fitter au bout, au bout. Écoute, le même concept. Ils ont la même musique à une... Les mêmes textes. À une syllabe près, je pense. J'imagine Fred Pellerin, t'as la 8 secondes. Bon, donc c'était le spectacle de la rentrée. On était là, et là, la raison pour laquelle j'en parlais, on a fait des parenthèses, mais c'est que le rappel était interminable. Oui. Tellement qu'à un moment donné, après comme 20-25 minutes de retenir son pipi, Tania a été obligée d'aller faire pipi. Oui. Et là, il y a une toilette qui est située derrière la scène, qui est faite pour l'équipe. Mais la toilette était occupée depuis comme une heure et demie. Était vraiment occupée. Comme depuis une heure et demie. Quelqu'un était bouché raide. J'ai comme même comme vargé dans la porte savoir s'il y avait quelqu'un. Donc, il a fallu qu'elle aille ailleurs, dans un autre pavillon très très loin. Mais là, le rappel finissait. Là. Fait que là, moi, j'ai dit au gars, le gars, il me dit, il va falloir t'embarquer quand même. Là, j'ai dit, je suis prêt. Je vais embarquer, je suis prêt. Là. Fait qu'il me donne le micro, puis il dit, vas-y. Là, j'y vais. Je fais toute la fin du spectacle, les mentions des partenaires, tous les organisateurs, les bénévoles, je mentionne tout ça, je fais tout. Puis là, je fais, merci, écoutez, bye. Puis là, t'as Tania qui arrive, au ralenti. Oui, mais je l'ai vu, j'étais là, dans ce bord de la clôture, j'étais comme. Okay. Fait que là, évidemment, j'ai dit, ah ben crime, on va faire un rappel comme les Cowboys Fringants. Ben c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait, qu'on a répété les commanditaires, c'est parfait. On a répété les commanditaires, on a aussi pris le temps de remercier Jean-Philippe Charbonneau, le DG. Exactement. Qui a organisé. Si Tania avait été dans la toilette derrière la scène, elle aurait entendu ma conclusion. Exactement. Mais elle n'a pas pu parce qu'elle était à quel pavillon? Puis j'étais exactement dans ce pavillon-ci. Au Néré-Beauchemin, c'est loin. J'étais Néré-Beauchemin, à côté de la halte garderie. Wow. Tu as dit que tu es allé dans la halle que la garderie? Ouais. Non, je suis allée à la salle de bain qui est comme le même corridor que la halle de garderie. Parce qu'elle était dans la halle de garderie, il y avait deux poupons. Et dans les salles de bain à côté de la chasse-galerie étaient pleines. Ouais. Ben, les j'ai vu un agent de sécurité. J'ai dit, il faut que tu me laisses aller à la salle de bain. Là. Avec les yeux qu'elle fait en ce moment, genre sorti leur orbite qui a l'air d'un poisson. J'ai dit, je dois retourner sur le stage. Il a dit, go, vas-y. Wow. Ah, mais c'était excellent pour vrai d'avoir choisi ce moment-là pour aller faire pipi, c'était parfait. On va être franc avec tout le monde, là. C'était un très bon spectacle, mais un méchant rappel. Oui, exactement. Vrai, 35 minutes probablement. J'aurais aimé ça le calculer pour vrai. Mais bon. Voilà, c'est tout. On doit terminer là-dessus. Oui. Les petits amis... Parce que l'émission finit et maintenant, dorénavant... Ce soir, 8h, je le répète, c'est mon mission, c'est ma chronique. Fais-nous pas défoncer. Non, écoute. Mais 8h, Chasse-Galerie, le match capitaine contre les arbitres qui sont des anciens joueurs. Ils ont chacun un prix l'année passée, ces trois joueurs-là. Prix du public, le prix de l'année, puis joueur de l'année, joueur constructeur. Ils jouent les trois contre nos capitaines cette année. Venez voir ça, c'est un spectacle à ne pas manquer. 20h, Chasse-Galerie, gratuit. Merci, Xavier. C'est bien de le rappeler. On termine l'émission là-dessus parce que cette année, on finit à 10h. On commence à 7h, mais ça veut dire qu'on ne défoncera plus. Exactement. Parce qu'on a des émissions à 10h. C'est un peu ma faute. Non. Live. On te l'a dit, puis t'as respecté les règles. Mais donc, oui. 7h à 10h du lundi au vendredi. Soyez-y demain à l'émission. Plein de choses entre nous et peut-être des invités spéciaux parce que la première semaine, on la garde assez lousse côté. On n'est pas quand rigide même. du tout. Donc, soyez-y. Nous, on va être de retour dans 2h environ pour les Palmarès C'est Fou, édition du lundi. Donc, l'édition Nouvelles Entrées, ça s'en vient. C'est de midi à 13h du lundi au jeudi. CFou.ca pour la programmation complète. Assemblage Hockey.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? Restez en onde parce que 10h, c'est Fou le sexe. Oh, wow. En direct. Ils sont de retour. L'excellent. Ils ont eu un été pour se préparer. Ils sont en feu. Ils vont faire l'émission de 12 ans. Ils sont juste de l'autre côté de la porte. Ils attendent qu'on parte. Fait que c'est ça. On libère les chaises et après eux, on va les passer au pur Albert. Bye. C'est une blague. Bonne journée. Thank you. lune de miel. Papillon solennel. Recherche une étincelle. Des ampoules, des lampadaires.